Mais maintenant, ils sont là et il faut justement faire le positif, voir le positif. Vous avez la chance d'avoir des enfants, beaucoup ne peuvent pas en avoir, etc. Donc, voyez le positif. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'effectivement, il faut, comme tout, malheureusement, il faut réfléchir avant de savoir si on pourra vraiment bien assumer. Ben, bien sûr. Merci, Karine. LMC Bourdin Direct, best-of. Merci de nous avoir accompagnés. Nous serons là demain matin, toujours avec le même plaisir, évidemment. À demain. RMC, Bourdin Direct, du lundi au vendredi, 4h30-10h. C'est l'heure de la météo sur RMC avant de retrouver le week-end des experts. Et c'est avec Kevin Fleury que je salue. Bonjour Kevin. Bonjour, avec un temps malheureusement assez mitigé pour cette journée. Le temps reste encore perturbé, instable sur la majorité du pays, avec des averses entre les Hauts-de-France, la Normandie, la région parisienne et le Grand Est. Davantage de pluie en vallée du Rhône et sur les reliefs des Alpes, avec sans doute un orage dans l'après-midi. Le temps sera beaucoup plus lumineux ailleurs. À noter également ce fort vent attendu sur les côtes, principalement Corse, jusqu'à 110 km/h. Température 14 degrés à Aurillac, 15 à Saint-Etienne, 18 à Brest et Tours, 20 pour Carcassonne, 22 à Marseille et jusqu'à 27 degrés tout de même à Bastia. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la première ligue anglaise. 14h45, rugby top 14, Lyon-Toulouse. 15h, tennis, demi-finale de la Coupe Davis, le double Croatie-France. Et Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Singapour. 17h, intégral foot Ligue 1 Monaco-Rennes. Et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue, c'est RMC, il est 6h et à 6h toute l'actualité, Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, nouvelle illustration du climat, de la tension qui règne dans les urgences des hôpitaux. Mardi dernier, c'est un médecin qui a été violemment frappé à Saint-Denis. Les familles des victimes du Bataclan le 13 novembre veulent comprendre, elles ont déposé un recours hier pour savoir pourquoi les soldats présents sur place n'ont pas bougé. Et puis le football et le PSG qui retrouvent des couleurs, ces couleurs, victoire, spectacle hier soir à Caen, le score 6-0. Il est 6h une sur RMC. Bonjour à tous. En France, toutes les 30 minutes, un soignant est agressé, constat terrible d'une tension qui s'invite à l'intérieur de l'hôpital. Les exemples ne manquent pas, mais ce qu'il s'est passé mardi dernier aux urgences de Saint-Denis en Ile-de-France est particulièrement sordide, Benjamin Smadja. Hôpital de la Fontaine, mardi, peu avant 23h. Un homme se présente aux urgences, le visage lacéré. Le personnel, déjà débordé, ne décèle pas d'urgence vitale et décide donc de le faire patienter. Le frère du blessé ne comprend pas cette décision. Le jeune homme de 21 ans va donc parler au médecin qui lui redit que son frère sera pris en charge dès que possible. Échange de mots et très vite, les coups pleuvent. Le médecin est frappé au sol. Bilan, fracture des deux mains, plusieurs luxations et ecchymose, 2 mois d'interruption de travail. Lors de sa comparution au tribunal hier, le frère du blessé a dit regretter son geste. En attendant son procès début novembre, il a été placé sous contrôle judiciaire. Depuis cette agression, l'hôpital a décidé de mobiliser un vigile qui veille toute la nuit dans ce service des urgences. Les précisions de Benjamin Smadja, la violence qui émaille également depuis plusieurs mois chaque manifestation contre la loi travail. La dernière, c'était jeudi. On apprenait hier soir qu'un de ces manifestants avait perdu l'usage de son œil droit, victime a priori d'une grenade lacrymo. La police des polices a été saisie. L'avocat des familles des victimes parle d'une désorganisation générale qui a fait que les forces de l'ordre ont mis 3 heures pour intervenir le soir du 13 novembre au Bataclan. Avocat qui a donc décidé de saisir la justice, il l'a fait hier, saisir la justice pour comprendre pourquoi les militaires de l'opération Sentinelle sur place ce jour-là ne sont pas intervenus. Cet avocat, c'est Gérard Chemla et il explique sa démarche. Dans les minutes suivant le début de la prise d'otage, sont arrivés 8 soldats de l'opération Sentinelle qui n'ont pas eu l'autorisation d'intervenir d'une part et qui d'autre part ont refusé de prêter leur fusil d'assaut aux policiers de la BAC. Pourquoi des gens en armes ne sont pas intervenus alors que des personnes agonisaient et qu'on sait par ailleurs que le commissaire de la BAC qui est entré par l'avant du Bataclan a permis de mettre un terme à la tuerie de masse en tuant un terroriste et en permettant à plusieurs centaines de personnes de quitter la salle. Et Gérard Chemla interrogé sur BFM TV sur ce thème du terrorisme. La mise en examen tard hier soir d'un mineur de 15 ans arrêté mercredi à Paris. Il a été placé en détention provisoire. Et c'est l'un des 4 adolescents arrêtés ces 10 derniers jours pour des velléités d'attaques terroristes. C'est l'une des conséquences du 13 novembre, la désertion des touristes à Paris et sur l'ensemble du pays. Résultat, c'est toute une industrie qui souffre, celle de la restauration. restauration le chiffre. En 4 ans, 17% des restaurants ont mis la clé sous la porte et le phénomène s'est amplifié ces derniers mois, explique Alain Fontaine, le président du syndicat des restaurateurs, le Synorcat. Les attentats sont très impactants sur cette situation, mais nous sommes impactés également par une économie nouvelle qui se met en place, à savoir les locations d'appartements pour les touristes, où ils vont trouver des cuisines, où ils pourront manger une ou deux fois, et puis bien entendu la livraison de plateaux. Nous avons des confrères qui vont fermer leurs portes et qu'on n'en trouvera pas en début d'année 2017. C'est très clair. C'est pas anodin le nombre, c'est vraiment une catastrophe. Alain Fontaine interrogé par Mélina Payon. Cela pourrait vous paraître un peu bizarre ce matin si vous vous levez et que vous mettez le nez dehors. Les températures sont en chute libre. Pourtant, l'Organisation Météorologique Mondiale faisait le constat hier. L'été 2016 a été tout simplement le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Le climatologue Jean Jouzel n'est pas surpris. Malheureusement, ce qu'on vit actuellement, c'est ce qui avait été envisagé il y a déjà 30 ans. On est en train d'enclencher un mécanisme qui risque de nous emmener vers un climat qui sera difficile, auquel il sera difficile de s'adapter, sauf si on est capable de diminuer rapidement les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça l'objectif de la conférence de Paris, de rester en dessous de 2 degrés par rapport au climat pré-industriel, parce que dans ce cas-là, effectivement, on a une capacité d'adaptation qui pourrait jouer si le réchauffement climatique est limité. Si on ne limite pas le réchauffement climatique, on perdra toute capacité d'adaptation dans beaucoup de domaines. Jean Jouzel, interrogé par Alexandre Janoviak. Et puis un petit peu plus léger, mais c'est une polémique qui naît. La responsable, la marque de lingerie Dime, elle sort depuis quelques jours un nouveau modèle de soutien-gorge pour adolescentes. Rien de bien grave, sauf que sur l'emballage, il est inscrit « gomme les imperfections », comme si même chez les plus jeunes, la poitrine devait être parfaite. Et ça, ça choque sérieusement les mamans, Marie Régnier. Florence est en train de faire des courses dans un supermarché avec sa fille de 12 ans lorsqu'elle tombe sur ce soutien-gorge pour jeune fille avec ces mots sur l'étiquette « idéal pour gommer les imperfections ». Florence a enragé. J'ai pas envie que ma fille se sente coupable de pas avoir de sein ou d'en avoir trop, ou que ce soit pas parfait, ou que ce soit pas lisse sous son t-shirt. Elle a pas besoin de ça à 12 ans. C'est suffisamment difficile à vivre l'adolescence, on n'a pas besoin de ça en plus. Et ce ne sont pas les psychologues qui vont dire le contraire. Béatrice Copper-Royer dénonce au mieux une grosse maladresse. Le premier soutien-gorge, c'est une étape importante, c'est plutôt un moment joyeux, glorieux. Si maintenant on leur met dans la tête qu'il va falloir qu'elles fassent très attention parce qu'il y en a qui gomment les imperfections et c'est cela qu'il faut prendre parce qu'elles-mêmes, elles sont mal faites, c'est créer de l'anxiété là où il n'y en a pas, quoi. C'est vraiment dommage. Le fabricant, de son côté, explique que l'étiquette a été mal comprise. Il ne s'agirait pas de gommer les imperfections physiologiques, mais les imperfections de matière, en clair, de gommer les plis de tissu. Florence, elle, n'en croit pas un mot. Le reportage de Marie Régnier, il est 6h06 sur RMC. Décidément, c'est le journal des 6. 6-0. A-t-on retrouvé le PSG qui ne fait pas de cadeau hier sur la pelouse de Caen? C'était le cas. Le score donc 6-0. Paris intraitable et son attaquant décrié qui marque 4 buts. Edinson Cavani à son meilleur niveau. Ça n'étonne pas son défenseur Thomas Meunier. Si moi j'étais président de club, c'est le genre d'attaquant que je payais une fortune pour avoir dans mon équipe. Eddy, c'est un joueur qui travaille pour le groupe. C'est pas un égoïste. Devant le but, on connaît ses qualités. À l'entraînement, il a déjà mis une occasion presque. Ah bon, voilà, maintenant il y a la pression des matchs. C'est pas toujours évident. Et puis, depuis le départ de Zlatan aussi, c'est une possible pour lui de se mettre encore plus en valeur malgré le fait qu'il jouait très très bien les années antérieures. Donc voilà, c'est une nouvelle chance pour lui de pouvoir encore monter les échelons et voilà, non, tout le monde dans le groupe est très heureux pour lui. La suite de cette cinquième journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui avec dès 17h le leader Monaco qui reçoit Rennes. Autre rendez-vous capital celui-là, celui de l'équipe de France de double cet après-midi, deuxième journée de demi-finale de Coupe Davis de tennis. Un partout entre les Bleus et la Croatie. Gasquet a porté le premier point hier, mais hier soir Lucas Pouille a perdu contre Cilic, le numéro 1 croate, Lucas Pouille, touché. C'est une défaite, je suis forcément touché. J'aurais aimé rentrer à l'hôtel à 2-0. Ça aurait détendu, je pense, tout le monde. Voilà, après, c'est pas facile de perdre quand on joue pas pour soi. Même quand on joue pour soi, c'est dur. Mais alors, quand on joue pour notre pays et pour les copains, c'est pas facile. Après, voilà, le plus important, c'est qu'il va falloir se remotiver. Moi, je serai prêt dimanche pour dans un éventuel cinquième match pour rapporter le point de la victoire. Et puis, c'est assez rare de parler de ce sport, mais il est spectaculaire. Très spectaculaire. L'escalade, les Mondiaux de Paris, tout le week-end à Bercy. 3 disciplines, dont la plus bluffante, la vitesse, Julien Richard. un mur de 15 mètres à escalader en duel. Le premier en haut a gagné et ça va vite, très vite. Moins de 6 secondes pour le record du monde chez les garçons, 7 secondes 5 pour les filles. C'est assez difficile à décrire. Aurélia Sorisson, la spécialiste française. On se sent léger, on se sent volé. C'est une sensation super agréable en tout cas. Comme une impression qu'il grimpe en accéléré, sorte de Spider-Man, d'homme araignée. Le numéro 1 français, Bassam Aoué. Il s'accroche au mur, il saute à droite et à gauche. Je pense que c'est ce qui nous représente le mieux, quoi. Ouais, ça nous va. Un peu dénigré par les puristes pour son côté répétitif, la vitesse est aujourd'hui une vitrine spectaculaire de ce sport. Michael Mahouen, spécialiste, lui, du bloc. C'est quand même la discipline qui permet aux novices d'accrocher. C'est énorme ce qu'ils font. Ça attire énormément de monde, le visuel. Et petit à petit, ça peut attirer à regarder les autres disciplines aussi et à comprendre comment ça se passe. Et amener encore plus de monde vers l'escalade, sport en plein essor en France. Il est 6h08 sur RMC. Ah oui, c'est François Sorel. Presque 9 déjà, en plus. La petite réflexion. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Votre journal était passionnant comme à chaque fois. C'est vrai. Ben merci. Et il me tarde déjà d'écouter celui de 7h. C'est vrai. Bon, mais je serai là, alors. Tiens, c'est Carte et Quinte et plus cet après-midi à Maison Lafitte. Donc, les pronostics de la Dream Team. Sébastien Darras nous conseille le 6 Royal Vati et le 15 Feel Alive. Brahim Asloum aime bien le 10 Mon Dieu. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As Magari. Et le 2 Jaref. Le 6, le 15, le 10, l'As et le 2. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, 6h-8h. Votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Eh bien, c'est parti. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue. C'est RMC 6h10. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Nous allons passer cette matinée ensemble le samedi et le dimanche. Ils sont là à mes côtés. Et leur mission, vous la connaissez, c'est répondre à toutes vos questions en premier lieu et puis traiter de l'actualité aussi dans tous ces domaines. Les animaux et l'automobile demain avec Jean-Luc Moreau, Laetitia Barlerin. Ils seront là dès 6h. Et puis tout à l'heure, la maison avec Christian Pessé. Avec Christian Pessé, entre 9h et 10h, on parlera des incendies dans la maison. Alors, pas que dans la maison d'ailleurs. Hein. Comment se protéger sa maison? Vous pourrez poser toutes vos questions sur ce sujet. Tout à l'heure, on rebondira sur l'actualité dramatique des derniers incendies qu'il y a eu, notamment dans le sud de la France, il y a quelques jours de cela. Et puis, tout à l'heure, entre 8h et 9h, bien sûr, toutes vos questions bricolage maison déco au 32-16. Mais pour débuter, comme chaque samedi matin, il est là, fidèle au poste. On le retrouve avec beaucoup de plaisir. Patrick Mulan, bonjour Patrick. Bonjour François, bonjour à tous et très bienvenue au jardin. Ah, le jardin qui, là, respire un petit peu, j'allais dire. Un petit peu, oui. Avec toute cette eau qui est en train de couler, c'est bien. On n'en a pas énormément, mais c'est bien. Ça arrive. C'est ce qu'il faut. Non, mais on est à peu près dans les temps, là. Ouais. Oui. Alors, il y a encore des régions, malheureusement, qui sont en déficit. La région Midi-Pyrénées, la région toulousaine, là, ils sont dans le sec. Et puis, j'ai passé quelques jours en Bretagne, j'étais très étonné de voir qu'effectivement, la Bretagne avait connu un été particulièrement sec et d'habitude donc il y a un déficit sévère, oui, c'est vrai, mais c'est là vrai. Il n'y avait plus de pelouse, c'était des paillassons, voilà, mais bon, ça revient. D'ailleurs, on fera un point sur la météo du jardinier. C'est pas un week-end formidable, non. En tout cas pour la semaine sera sympa, le nord de la France, mais on en reparlera voilà. Tout à l'heure, hein, Patrick, avec les prévisions de Météo France et puis quels sont les conseils qu'il faut suivre dans le domaine du jardin. On retrouvera aussi l'actu du jardin et en deuxième partie, entre 7 et 8, on va parler des moustiques, ces bébêtes qui nous embêtent et qui voilà, se poursuivent, elles sont toujours là. Hein. Voilà, c'est un peu dans l'actualité ça aussi, parce que comme on a eu de la chaleur et qu'on a eu de l'humidité, oui. Eh bien c'est tout à fait favorable pour le développement des moustiques. Alors, les moustiques, on les subit au jardin, on les subit aussi dans la maison. Après, on va parler aussi un peu de leur rôle. Est-ce que c'est utile un moustique? À quoi ça sert dans la nature un moustique? Ça sert à rien, hein, un moustique. Non, bah, mais c'est vrai. Si, ça sert à quelque chose. Il y a rien qui sert à rien dans D'accord. la nature. Donc on verra bien. Bon, après c'est pas le propos. On essaiera aussi de trouver les moyens les plus efficaces, mais aussi peut-être les plus écologiques ou du moins oui. les plus raisonnables pour les pouvoir, éloigner peut-être. Alors les piéger, les éloigner, on va essayer de voir. D'accord. Alors ça j'aimerais que vous témoigniez. Est-ce que vous avez observé des véritables effets répulsifs avec des plantes? Tiens. Bon, la citronnelle, ok, on en parle plus. Oui. Enfin, on en parlera un petit peu, bien sûr, mais ça, c'est classique. Mais dans votre jardin, alors, on dit plein de trucs, les soucis, l'ail, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, dites-nous ce que vous avez expérimenté et surtout si ça marche. Parce que je vais vous dire, je vais être clair, je vais être un peu à la Brunet, je suis extrêmement sceptique sur le sujet. Ah. Pour vous, les moustiques s'acclimatent à tout et n'ont peur de rien. En général, ils s'en fichent un peu. Bon, on verra ça. Donc, une heure spéciale moustique tout à l'heure entre 7 et 8. Et si vous voulez témoigner, dès maintenant, le 3216, les amis. Hein. 3216 ou jardin@rmc.fr. Vous savez tout. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On est ravis de vous retrouver. Bonne matinée. Et c'est Pascal qui ouvre le bal et qui nous a appelé au 3216. Bonjour, Pascal. Bonjour. Bonjour, Pascal. Bienvenue. Bonjour. Je vous écoute. Je vous appelle au sujet d'un caprier. C'est pour savoir l'entretien, si on peut le tailler, quand, et si on peut le bouturer aussi. C'est un vieux caprier. Je ne peux pas vous dire son âge du tout. Bah, l'âge, ce n'est pas très important. Effectivement, bon, il faut savoir que, on va dire que, bon, quand ça devient très, très lâche, quand la plante n'a plus cette compacité normalement naturelle, il faut essayer. Bon, même si on va perdre, on va dire un petit peu de dynamique, mais après la floraison, hein, puisque bon, les capres, ce sont les boutons floraux, donc on peut les récolter, et après la récolte et après la floraison, eh bien, on va pouvoir tailler même très court. Faut pas hésiter à rabattre même dans le courant de l'été, hein, si vous avez des tiges qui s'allongent trop longuement. Mais c'est surtout qu'il a beaucoup de bois mort à l'intérieur. Alors ça s'appelle pas de la taille, ça s'appelle du nettoyage. Pour savoir si je peux le tailler, pour lui donner un coup de frais alors, et qu'il reparte en vert. Alors évitez quand même de le ratiboiser complètement et essayez de retailler toujours sur un petit départ, ça, bon, alors soit une petite branchette, soit une petite feuille, de manière quand même à être assuré que les yeux, c'est-à-dire les petits bourgeons qui se situent toujours à l'aisselle des feuilles, puissent assurer la pérennité de la plante. Bon, parce que normalement, ça redémarre très très bien, hein, même si vous le retaillez très très court, mais quand même sur un sujet un peu âgé qui a pas été vraiment entretenu, moi j'irais pas trop d'un coup quoi. Enfin disons voilà, il faut quand même essayer d'éviter que ça lui fasse une sorte de stress trop violent. Hein, donc... Où je suis, enfin, il fait très sec quoi. On a très peu d'eau, tout ça. Oui, et... mais en général, bon, dans les productions, ils le font ça, hein, puisque en fait, généralement, en production, vous récoltez les capres et après, on taille carrément tous les rameaux, les jeunes rameaux, à 1 cm de hauteur seulement. Donc en fait, ils font vraiment ce genre de travail. Mais là, comme vous savez pas trop si ça va repercer sur le vieux bois, dans les parties un petit peu dénudées, il faut peut-être y aller tout doucement, voilà, ou le faire en plusieurs fois, par exemple le faire maintenant sur une partie et puis attendre l'année prochaine pour voir s'il y a eu des redémarrages, et là ça vous permettra même de rééquilibrer simplement la silhouette, parce que là si vous ratiboisez tout, bon ok, mais après ça redémarrera un peu de façon anarchique et vous savez pas trop d'où ça ce qui va se passer, donc moi sur ce qu'on appelle des tailles de reconstitution, je préfère généralement qu'on le fasse en 3 ans. C'est-à-dire que vous faites un tiers, un tiers, un tiers. Comme ça, vous pouvez évoluer dans la reconstitution de la silhouette de votre plante. Voilà. Alors après, au niveau... Oui, parce que moi, la fructification, peu importe, c'est juste pour qu'il reprenne un coup de jeunesse, quoi. Oui, mais en général, la taille va produire ça, puisqu'en fait, avec la taille, vous allez générer des démarrages et donc forcément des jeunes pousses. Alors, concernant la multiplication, les capriers, ça se bouture. Alors, on commence à être un peu à la limite de la date, mais vous pouvez continuer à le faire quand même. Ce qu'on appelle les boutures demi-aoutées, hein, c'est-à-dire que vous allez prendre des jeunes pousses. Il faut vraiment prendre des jeunes pousses, de préférence des pousses qui n'ont pas fleuri. Et vous allez faire des petites boutures que l'on met dans un mélange de sable. Alors moi, je fais toujours un mélange de sable de rivière, de sable qu'on trouve pour les aquariums assez fin, et de tourbe blonde. Ou alors, vous pouvez prendre du terreau de semis et ajouter aussi un bon tiers de sable, de manière à pouvoir avoir quelque chose de très drainant. Alors ça, vous le faites dans des pots ou dans une mini-serre. L'idéal, c'est d'avoir une mini-serre. Bon, ça se trouve dans le commerce, ça ne sert à rien du tout. C'est une sorte de terrine avec un dôme, mais qui va permettre d'être à l'étouffée, on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une grosse moiteur. Donc, vous allez mettre vos petites boutures dans ce substrat-là. Alors, les boutures, sur le caprier, elles peuvent faire 7-8 cm de long maximum. Vous débarrassez des feuilles de la base, vous piquez. On peut tenter avec des hormones de bouturage, c'est pas obligatoire, ça reprend relativement bien. En revanche, il faut vraiment que ça soit à l'étouffée. Donc, vous arrosez bien et vous recouvrez de manière à ce que vous ayez vraiment 100% de d'hygrométrie. Vous le mettez à l'ombre, hein, à l'extérieur. Ça demande environ 2 mois pour la reprise. Hein, donc, dans le courant de l'automne, ça sera repris. Alors, comment on sait que c'est repris? Bah, tout simplement parce qu'elles n'ont pas desséché. Mais le redémarrage de la bouture se fait que au moment du printemps. Merci en tout cas pour votre appel, Pascal. Et dans un instant sur RMC, nous aurons Chris qui va nous parler de ses hortensias. Visiblement, les fleurs ne sont pas en forme. Elle aimerait savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Et puis je vous rappelle que nous sommes en direct ce samedi matin, bien entendu, et on vous attend. Vous voulez joindre notre expert jardinier, le 3216, ou bien jardin@rmc.fr. À tout de suite, on est là dans une minute. RMC, 6h-8h, votre jardin. Chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Renault Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LL des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. h 19, c'est RMC, le week-end des experts et le jardin. Dans une dizaine de minutes, on retrouvera la météo et les infos. Et d'ici là, place à vos questions. Profitez-en, Patrick Mulan est à mes côtés. On vous attend 32 16 pour poser votre question jardin ou jardin@rmc.fr. Chris est avec nous. Bonjour Chris. Bonjour François, bonjour Patrick. Bonjour Chris, bienvenue. Émue de vous avoir. Oh, mais il ne faut pas, Chris, tout va bien se passer. Vous nous avez envoyé un mail, hein, on explique comment vous nous avez joint. Voilà, votre question a été sélectionnée. Je suis drôlement contente. Et Aurélie vous a rappelé et vous voilà à l'antenne ce matin. Voilà, alors du coup j'ai deux questions finalement. Allez-y. Ça coûte pas plus cher. Pour le prix d'une. Eh ben voilà, donc j'ai des hortensias qui ont mal passé l'été, à mon avis, pourtant bien arrosés. Mais alors, ils ont presque plus de feuilles, des fleurs épouvantablement pas belles, quoi. Et puis, des quelques petites bêtes derrière les feuilles, du coton, on dirait du coton posé, ça colle, c'est pas très... Ouais. C'est deux choses évidemment assez différentes, même si les petites bêtes qui sont... En l'occurrence, des cochenilles peuvent favoriser effectivement une sorte de fatigue de l'hortensia, même un peu le faire dépérir. Donc, il faut faire attention à ça. C'est vrai qu'on a eu des périodes extrêmement chaudes et qui ne sont pas du tout favorables, je dirais, aux hortensias, qui sont des plantes qui aiment bien la moiteur, qui aiment bien l'humidité. On a, dans le Pays Basque notamment, beaucoup d'hortensias qui poussent en plein soleil, mais qui poussent aussi face à la mer, et qui reçoivent donc en permanence de l'air humide, ce qui leur permet d'être très très beaux. Et j'ai conseillé quand même pendant tout cet été de doucher les plantes, et si vous ne l'avez pas fait, vous l'avez fait, mais bon, ça peut-être pas suffit. Alors donc de toute façon évidemment ce que vous pouvez faire c'est couper les inflorescences si elles sont vilaines. Généralement on le fait pas parce que souvent c'est assez beau les inflorescences en automne elles prennent des couleurs mordorées, on aime bien ça, mais là si elles sont moches évidemment vous pouvez les enlever. Vous allez pas effectuer une vraie taille de l'hortensia, il faut attendre le printemps, d'autant plus que c'est pas un arbuste que l'on taille de manière très drastique et qu'on taille non plus très régulièrement. En fait, la taille d'hortensia, elle se limite simplement à supprimer les plus vieilles branches pour favoriser les plus jeunes. Donc, quand vous avez des nouveaux départs, vous pouvez couper la branche ancienne qui se trouve à côté ou la partie qui est supérieure et qui est vieille, mais c'est tout, parce que sinon, vous allez perdre la floraison pendant au moins une ou deux saisons. Après, donc là, vous avez un problème de cochenille. Alors, sur la cochenille de l'hortensia, vous pouvez appliquer ma recette, là, qui est donc savon noir plus alcool plus huile de colza, de préférence, donc une cuillère à café de chaque dans un litre d'eau, avec deux traitements à une demi-heure d'intervalle et la reprise de ce double traitement tous les 8 jours pendant 3 semaines. Donc ça donne des bons résultats. Surtout maintenant, vous pouvez sans problème, disons, utiliser ce mélange-là. En pleine végétation, la présence d'huile peut être assez mal supportée par l'hortensia. Faites bien attention, souvent les cochenilles, elles sont pas vraiment sur les feuilles, mais elles s'agglutinent sur les rameaux. Et donc, peut-être que vous auriez intérêt aussi à refaire ce traitement-là une fois que l'arbuste aura perdu ses feuilles à l'automne. Donc ça, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de ces cochenilles-là. Et à ce moment-là, en hiver, vous pouvez y aller vraiment en faisant ruisseler le produit le long des tiges, de manière à ce que vraiment les cochenilles s'éliminent. Voilà. Alors, savon noir. Alors c'est savon noir liquide, on le trouve facilement dans le commerce maintenant. Alcool médical, 60 degrés maintenant, plus huile de colza, une cuillère à café de chaque dans un litre d'eau. Et vous pulvérisez ça deux fois à une demi-heure d'intervalle et vous recommencez la double pulvérisation une fois toutes les semaines pendant trois semaines. Voilà. Très bien. Écoutez, je vais faire le remède. Bon, tentez-vous et vous nous direz, Chris. Vous aviez une deuxième question, je crois. Oui, on m'a offert un lys hier soir et je voulais savoir si je peux le replanter. Il est dans un petit pot, enfin un moyen petit pot. Le replanter, est-ce qu'il va passer l'hiver dehors? Est-ce qu'il faut que je le mette à l'abri? Alors ça dépend ce que c'est comme type de lys, parce que il y a des lys asiatiques hybrides qu'on a chez les fleuristes qui font des très très grosses fleurs, généralement assez colorées. Ceux-là, ils sont pas rustiques du tout. En revanche, bon là, il est dans un pot, donc profitez de la floraison comme il est dans son pot, et après effectivement vous avez tout intérêt à le planter dans le jardin. Un lys, ça aime bien les sols très drainants, hein, comme toutes les plantes à bulbes, et bon, il va disparaître pendant l'hiver, puis après il redémarrera au printemps. Après il faut, bon, on va dire mettre des guillemets à tout cela, parce que souvent ce que l'on vous offre comme plante en pleine fleur sont des plantes qu'on appelle forcées, c'est-à-dire qu'en fait elles ont été cultivées en décalage par rapport à la culture normale, à la saison de végétation normale. Ils ont été donc souvent travaillés en serre, etc. Donc ils n'ont pas forcément une grosse vigueur, et parfois on va dire que le transfert dans des conditions écologiques normales, donc à l'extérieur, fait que la plante peut souffrir et parfois même disparaître. Alors si elle disparaît, c'est pas forcément que vous aurez raté votre plantation, ça peut être aussi l'effet d'un petit rongeur qui aura été affamé pendant l'hiver et qui aura boulotté votre bulbe de lys. Ça arrive très souvent. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Vous faites ça, vous dites tiens, je vais avoir un beau lys l'année prochaine, puis rien ne se passe, tout simplement parce qu'il a été consommé pendant l'hiver. Voilà. Patrick, avant de retrouver la météo et les infos, une question perso de François S. qui habite Paris 15. Non, sérieux, en fait, je me faisais la réflexion cette semaine. Vous êtes déjà venu chez moi et vous avez vu, j'ai un petit érable du Japon, voilà, très petit, sympa. Petit. Et ce qui se passe, c'est que à la même période l'année dernière, donc pratiquement jour pour jour, il était complètement nu. Il était rouge une semaine avant et puis là, il n'avait plus de feuilles. Alors qu'aujourd'hui, donc un an après jour pour jour, il est complètement vert. Il commence un tout petit peu à rougir, mais franchement, par rapport à l'année dernière, il est en pleine forme. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que c'est la santé de l'arbre, ou est-ce que c'est le on va dire l'année dernière, le climat de l'été dernier qui était pas favorable? Oui, manifestement l'année dernière, il avait anticipé l'automne, c'est-à-dire qu'il était devenu il se mettait en dormance beaucoup plus tôt que prévu. Alors pour plein de raisons, est-ce que l'été avait été encore plus chaud et plus long? Est-ce qu'il avait vous l'aviez moins arrosé? Est-ce que vous l'aviez pas douché comme j'ai conseillé, etc. Et donc du coup, il était vraiment en décalage. Moi, je préfère la situation d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que là, il est en train tout doucement, passer de l'été à l'automne. Il va prendre sa couleur. Il aura la même couleur que l'année dernière. Hein. Oui. Mais peut-être dans le courant octobre plutôt que maintenant. Et ça, c'est quand même mieux. Donc la plante, elle est en train de s'aouter, comme on dit. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que les jeunes rameaux sont en train de durcir. Ils deviennent vraiment en bois et ils seront plus résistants à l'hiver que lorsqu'ils ont été stressés et qu'à la fin de l'été, il perd ses feuilles. Non, là, c'est bien. C'est très très bien. D'accord. Mais j'écoute vos conseils, je le douche régulièrement, voilà. Et voilà, je lui parle aussi. Enfin bref. Alors je voulais dire aussi à tous ceux qui n'ont pas peut-être noté l'histoire des cochenilles, parce que je sais que ça tout le monde aime ça. C'est l'anti-cochenille de Miu Miu quand même. Vous allez sur News Jardin TV, il y a une vidéo, il y a un article très détaillé là-dessus, donc vous faites cochenille News Jardin TV et vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Voilà, et puis d'une manière générale, si vous aimez les vidéos et les conseils de Patrick Mulan, donc en vidéo, c'est simple, News Jardin TV. Patrick, météo info

écologique tout à fait intéressant. Alors, moi, je vais vous citer 7 arbustes qui sont vraiment, je pense, les meilleurs pour ce travail-là. Donc, faire une haie décorative, mais aussi intéressante pour les oiseaux. Les cotonnets astères, alors, vous pouvez avoir des espèces caduques ou des persistantes. Hein, c'est entre 1 et 3 mètres de haut. Et le pollen des fleurs blanches est apprécié par les moineaux, par les mésanges bleus. Puis les fruits, après, en automne, sont consommés par les fauvettes, les étourneaux, les merges et rouges-gorges. Et les merles nichent bien dans les cotonnets astères. Après, vous avez les houx, bien entendu, hein, qui vont avoir, alors surtout les houx femelles, bien sûr, qui ont des fruits rouges et qui sont très appréciés par les mésanges, par la senteur mouchet, etc. Le prunellier qui est épineux et qui donne des fruits bleu noirs qui sont consommés par beaucoup d'oiseaux, dont les fauvettes, les bouvreuils, etc. La ronce qui pique comme ça, mais la ronce en arbuste, même peut-être aussi d'ailleurs le framboisier, et bien ça, il y a beaucoup d'oiseaux qui adorent ça. Le sureau, la symphorine qui fructifie en ce moment et dont les fruits un peu blancs, roses sont mangés par les pinsons, les mésanges, les rouges-gorges, la viorne, le viburnum opulus, la boule de neige, et voilà, ça vous fait déjà tout un ensemble que vous allez mélanger et qui va vous donner quelque chose de très joli et aussi de très apprécié par tous ces oiseaux. Alors ne supprimez pas les feuilles mortes le long du sol parce que les oiseaux mangent les larves dedans. Ah, 32-16 pour toutes vos questions jardin. On vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. 6h34, c'est RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons et peut-être venez-vous nous rejoindre sur RMC en ce samedi matin, le week-end des experts les amis, jusqu'à 8h le jardin et ensuite ce sera la maison avec Christian PC. Tout à l'heure avec Patrick entre 7 et 8, on va parler de ces insectes qui font bzip bzip bzip et qui nous empoisonnent quand même. Hein. Quand on a un moustique, mais exactement, vous avez tout à fait raison, mais quand on se retrouve avec un moustique dans la chambre et qu'on l'entend comme ça et que dès qu'on allume on ne sait pas où il est, ça c'est embêtant. Mais même le soir quand vous êtes sur la terrasse avec les amis et vous êtes en train de manger tranquillement et vous avez ça dans l'oreille, c'est embêtant. Ah oui, et puis après ça vous pique, etc. Il y a des gens qui supportent pas vraiment les piqûres de moustiques. Et puis il y en a qui attirent plus les moustiques que les autres visiblement. Hein. Alors y a ça des gens... on expliquera ça tout à l'heure. Voilà, on expliquera aussi pourquoi. Vous avez des petites astuces, des tours de main pour éloigner les moustiques, mais de manière naturelle. S'il vous plaît. Oui, alors oui. Non, parce que si vous prenez des grosses bombes insecticides, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus. Ben, pas autant que ça. Enfin, on parlera des méthodes. En fait, il faut, comme tous les trucs très embêtants, il faut associer plusieurs méthodes pour être vraiment très efficace. On en parlera tout à l'heure entre 7 et 8. Vos témoignages et vos questions sur les moustiques, dès maintenant, le 32-16 ou jardin@rmc.fr et vous nous joignez par mail. N'oubliez pas votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappelle dans la foulée. Et avant de retrouver la météo du jardinier et l'actu dans le domaine du jardin et que faire aussi dans le jardin cette semaine, nous accueillons Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Bonjour merci Daniel. Merci beaucoup de prendre mon appel, je suis très très heureuse. Voilà, mon souci c'est que j'ai un mandarinier depuis le mois de janvier, en pot, et il a une douzaine de petites mandarines qui font à peu près 2 cm de diamètre. Donc le pépiniériste m'a dit que je pourrais le mettre en terre si je veux. Seulement, ma terre, donc, elle est calcaire. Je suis dans la région niçoise, donc calcaire, un peu sablonneuse même. Donc, je ne sais pas quelle terre utiliser pour le planter et en quelle saison, si c'est maintenant oui, ou... Non, moi, honnêtement, je ne le ferai pas maintenant. La plantation, enfin, ou la transplantation dans votre cas, crée forcément un stress sur la plante. Donc, vous avez au moins 50% de chance, ou plutôt de risque, de faire tomber les fruits si vous transplantez maintenant. Donc, moi, j'attendrai la récolte de la mandarine, et donc, on va dire à la fin de l'hiver, on va mettre tranquillement l'arbre en terre. Bien entendu, dans la région niçoise, vous pouvez sans problème cultiver un mandarinier en extérieur et donc en pleine terre. Il faut quand même le placer dans un endroit bien ensoleillé, il faut éviter les courants d'air, parce que vous pouvez quand même avoir pas mal de vent dans votre région, donc faites attention à l'emplacement. Après, concernant le sol, c'est sûr que une terre calcaire n'est pas favorable au développement des agrumes. Donc, il va falloir faire un trou assez important, le plus gros possible, et mélanger à la terre d'origine du terreau qui va, pardon, excusez-moi, rééquilibrer un petit peu le pH de votre sol et qui va amener de la nourriture sous forme d'humus. Et ça, c'est quand même une très très bonne chose. Alors, si vous avez du compost, par exemple, vous pouvez aussi l'utiliser, il n'y a aucun problème. Et puis voilà. Alors, il n'y a pas protection particulière à faire dans votre région. Vous allez simplement dépoter soigneusement votre mandarinier. Vous regardez s'il n'y a pas un chignon de racines autour de la motte. Mm-hmm. Si c'est le cas, vous les démêlez ou même vous en coupez un petit peu. Et puis après, faut bien arroser pendant plusieurs jours de manière à être sûr que la plante va bien reprendre. Après, mm-hmm. c'est tout. D'accord. J'ai remarqué qu'il y a une petite racine d'eux-mêmes qui sortent du tronc, du bas du pot. Des quoi? Des racines. Ah, des racines. Oui, mais c'est normal. Oui, c'est absolument normal. Il y a pas de problème. Alors, en ce moment, un petit conseil quand même. Hein, à partir du moment où vous avez un agrume qui est en fructification et qui est en pot, il faut pas qu'il manque d'eau. Hein. Donc, si jamais vous devez vous absenter quelques jours, etc., faites bien attention. Il faut vraiment quand même que la plante n'ait pas une période de sécheresse, parce que la première chose qu'elle fait, hop, elle se débarrasse de ses fruits. Eh oui, voilà. Mais là, est-ce que je dois mettre une terre pour l'engraisser, pour le nourrir jusqu'au printemps? En ce moment, oui. Alors ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Bien entendu, il est en pot, en fait, a priori, il est même pas dans un vrai pot. Il est dans ce qu'on appelle un conteneur, c'est-à-dire le pot dans lequel il a été cultivé. Il n'y a pas beaucoup de volume, donc vous avez tout intérêt à utiliser un engrais agrume. Alors moi, ce que je fais, hein, c'est extrêmement simple. Je prends un engrais agrume en liquide et je mets un bouchon dans un arrosoir, un gros arrosoir, de manière à obtenir quelque chose de très très peu concentré. Et chaque fois que j'arrose, j'utilise cette solution nutritive. Ça donne pas d'à-coup du tout à la plante. Et ça, je peux vous dire, moi, j'ai pas la chance d'habiter à Nice, mais actuellement, on a des agrumes qui sont vraiment très très beaux dans notre jardin. Et tous les combien, à peu près? Chaque fois que vous arrosez. Alors ça, c'est une question de température. Si vous avez plus de 25 degrés, faut arroser tous les jours. Hein. D'accord. Si vous avez entre 20 et 25 degrés, vous pouvez arroser tous les 2-3 jours, mais ça dépend effectivement de la température. Et j'insiste aussi là-dessus, au-dessus de 25-26 degrés, le soir, on douche la plante. Oui, ça, c'est, je l'ai fait. Tout l'été, je l'ai fait parce qu'il faisait très très chaud. Voilà. Mais est-ce que je dois le laisser quand même dehors? Bien sûr. Alors ça, je lance un appel à tous les propriétaires d'agrumes. Attention. Nous allons bientôt rentrer en automne et je sais que vous êtes nombreux à dire il faut rentrer les agrumes. Rentrer les agrumes, c'est si vous avez une serre ou une véranda. Si vous avez la maison, non, on les laisse dehors et il vaut mieux acheter une petite serre de balcon, des voiles, etc. Et surveiller la température, La meilleure façon de faire périr des agrumes, c'est de les mettre dans la maison. Là, clair et net. Tiens, encore une petite question de Françoise dans le 15e. Son citronnier, là, il a deux petits citrons qui ont pas l'air de beaucoup grossir, mais en revanche, j'ai plein de feuilles et plein de pousses. Voilà. Oui, mais il est en pleine forme. Alors peut-être que vous l'avez nourri avec un engrais un peu trop azoté. J'ai acheté un engrais agrume. Tout va bien. Tout va bien, on laisse tranquille. Bah, en même temps, les citrons, ça pousse pas aussi vite que des radis. Hein. D'accord. Donc il faut quand même. Combien de temps ça met un citron à partir du moment où? Ça met presque une saison. D'accord. Même carrément. Oui. Moi, j'ai des citrons qui sont apparus dans le courant de l'hiver et qui vont être bons bientôt. D'accord. Après, c'est aussi une question de température, de soleil. Les citrons, ils mûrissent mieux à Menton qu'à Paris. Ça, c'est clair. Évidemment. Non, mais parce que j'ai mon voisin qui en a deux beaux, donc c'est pour ça, il est pas à Menton, il est en face de moi, donc c'est pour ça. La jalousie voisine. 6h42. Oh, c'est gentil, hein, bien sûr. Non, mais c'est ça qui fait aussi que souvent, on a envie d'avoir un plus beau jardin. Quand on voit celui de son jardin, évidemment. Son voisin, on se dit, il faut que je m'y mette. C'est une compétition, c'est sympa. 6h42, c'était RMC, le week-end des experts et le jardin. On va retrouver vos questions dans un instant, mais auparavant, c'est notre météo du jardinier, les amis. On va s'intéresser donc à ce samedi 17 septembre 2016, 261e jour de l'année, avec un soleil qui se lèvera tout à l'heure à 7h30 pour se coucher à 19h58, et là, c'est la dégringolade. Hein. On perd 4 minutes. Toujours 4 minutes, ouais, c'est terrible. Soleil. Ce sont les journées du patrimoine aujourd'hui. Oh, oui, tout à fait. Alors, voilà. Il y a beaucoup. Alors, les journées du patrimoine, ce n'est pas simplement réservé aux monuments. Vous avez énormément de propriétés qui aussi font des actions pour le jardin. Oui. Il y a aussi le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris qui fait plein d'animations dans les jardins, etc. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant de passer le week-end à aller visiter des endroits qui parfois sont fermés au public autrement. Alors, ce 17 septembre, on a plusieurs saints, Saint-Lambert, Saint-Hildegarde, Saint-Renaud. Il y a des trucs qui sont pas terribles. Hein. S'il pleut à Saint-Renaud, l'automne s'annonce penaud. Saint-Lambert, pluvieux, 9 mois mouilleux. Oula, ouais. C'est pas bon celui-là. Oui, il est pas bon. Hein. Alors on dit aussi un peu moins fort, si Saint-Lambert est pluvieux, suivent 9 jours dangereux. Voilà, comme vous voulez. Hein. Alors, on a le choix là. Pendant toute cette semaine, enfin moi je vais m'arrêter à jeudi parce que bien que j'ai travaillé les cartes très tard hier soir, à partir de jeudi on était en en indice de confiance 2, mais avant jeudi on était en 4, donc on est sur des vents plutôt installés nord-nord-ouest qui vont donner des températures plus de saison. Alors demain ils peuvent souffler localement fort jusqu'à 70 km sur la Méditerranée, mais on reste dans un régime assez perturbé avec des pluies un peu éparses partout en cours de journée, pas beaucoup de soleil excepté sur le littoral et des températures de saison, on va de 12 à 21 degrés. Donc mon conseil, c'est ressortez quand même l'anti-limace et reprenez la binette parce que maintenant le sol va être assez rafraîchi et vous pouvez sarcler les herbes indésirables facilement. Et puis avec la pluie qui revient et c'est relative fraîcheur, vous avez intérêt à traiter contre l'oïdium, les asters, les phlox, les mahonias, les érables, les jeunes chênes, les vignes, même les rosiers. Donc l'oïdium, vous savez, c'est cette espèce de feutrage blanc, ben on utilise du soufre, hein, qui est un produit minéral naturel qui est autorisé en culture biologique. Alors c'est un peu tard parce que la maladie s'est développée, mais ça va la bloquer et donc c'est quand même important de le faire. Lundi donc on aura toujours ces vents un peu moins soutenus avec un retour généralisé des éclaircies avec des températures de 17 à 21 degrés. Une petite brune attendue de la région nantaise jusqu'à la Picardie et l'Île-de-France. Donc avec un renforcement de la pluie sur la façade de l'Atlantique en cours de soirée. Donc c'est pas une journée extravagante. D'accord. Mais les conditions sont calme, donc on peut jardiner et notamment penser à faire les semis des nouvelles pelouses, c'est la bonne saison. Et puis il y a des semis de potagers, carottes, cerfeuils, chicorées, frisées, escarole, choux, etc. Donc qui sont le moment, notamment aussi penser aux navets, aux épinards. Les épinards, c'est bien en ce moment. Mardi, on va avoir des vents qui vont se raffaiblir, mais qui sont vraiment toujours de nord-ouest. Rafraîchissement le matin, on aura une moyenne seulement de 12 degrés sur le pays. Et avec des 8-9 degrés minima en Auvergne ou Rhône-Alpes, donc un ciel assez nuageux, oui. Mais des belles éclaircies. Toujours 17 à 24 degrés, quelques pluies sur les Pyrénées. Donc côté jardin, bah écoutez, c'est le moment de passer au jardin. On peut, tranquille, on peut même en profiter. On fait le boulot. Puis, alors pensez à décorer vos massifs et vos jardinières avec des plantes de saison. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Les asters, les choux d'ornement, les cinéraires, les cyclamènes. Ça c'est vraiment très très bien. Vous savez que j'ai des cyclamènes que j'avais laissés dans les jardinières. Mm-hmm. Ils sont déjà en fleur depuis le mois d'août et je pense que je les aurai jusqu'aux premières gelées. C'est génial. Alors ça peut être un peu cher le cyclamène au départ. Ça peut sembler cher, mais si vous avez des zones abritées, n'hésitez pas parce que au final c'est rentable. Alors on trouve maintenant aussi des pensées, des pernicias, des pommiers d'amour, tout ça, il y a plein de plantes. Mercredi on aura des vents toujours similaires à la veille, une matinée de 8 à 18 degrés avec une moyenne de 11 degrés, on perd encore 1 degré le matin en moyenne sur la France, mais une belle journée ensoleillée de 17 à 24, moyenne 19 degrés partout. Et en revanche, attention, le soir il commence à faire frisquet, donc on met la petite laine. Pour le jardin, alors si vous êtes déjà dans une zone un petit peu d'altitude, rentrez les plantes d'intérieur qui sont les plus frileuses. D'accord. Qu'on avait passées au jardin, mais moi je dis, si vous n'êtes pas dans une zone où il y a vraiment des risques de vrai froid, tentez l'expérience de les laisser dehors le plus longtemps possible. D'accord. C'est ce qu'on fait. Parce et on surveille le thermomètre, voilà, tout simplement. Vous surveillez, vous écoutez la météo sur RMC. Jusqu'à combien, là on les aime. On va dire que jusqu'à 10 degrés. Alors, même ça peut descendre 7-8 degrés en matinée pendant quelques heures. D'accord. Mais si la température remonte de 15, ça va. Voilà. D'accord. Parfait. Patrick, on revient dans un instant. Il est 6h47 et dans une minute, on poursuivra avec vos questions et nous aurons notre pâtissier préféré, Eddy, qui sera là. Ah. Voilà, Eddy qui doit être au boulot à cette heure-ci. Ça, j'en suis pratiquement persuadé. Et on va parler d'arbres fruitiers avec lui. Le 3216, jardin@rmc.fr. Que vous soyez pâtissier, policier, commerçant, qui peut-être vous travaillez dans les, du côté des professions médicales aussi. Voilà, on pense à vous. N'hésitez pas aussi à nous appeler. Un petit break. Vous nous passez un coup de fil au 3216 et on sera très heureux de vous entendre. À tout de suite. On est là dans une minute. RMC jusqu'à 8h. Votre jardin. Bon, alors, t'as choisi ta montre ? Bah, je sais pas. Une montre mécanique, plus classique, ou une montre connectée, plus techno. Bah, j'hésite. Oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture ? Bah, un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent de même. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour un Nissan Qashqai Vizia D GT 115 et l'LD 49 mois avec 2000 euros d'apport jusqu'au 30 septembre si Accordiac. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Martin, il a quel âge ton papa ? 55%. Oh la chance ! Et le tien ? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter ? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Ma femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle ne se rend compte de rien. Je la vois décliner. Je viens d'apprendre que mon conjoint est atteint par la maladie d'Alzheimer. Je voudrais savoir où m'informer et qui peut m'aider à gérer le quotidien. J'ai entendu parler d'une formation des aidants. Mais pour s'organiser, c'est un peu compliqué et puis il y a le prix. Un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide. Renseignez-vous sur la formation des aidants de l'association France Alzheimer. C'est partout en France et c'est gratuit. Rendez-vous sur le site aidants.francealzheimer.org. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes French Touch. Du 15 au 19 septembre, venez découvrir la toute nouvelle Renault Clio avec son design encore plus séduisant. Et à cette occasion, la French Touch vous sort le grand jeu avec des offres exceptionnelles et une nouvelle Renault Mégane GT à gagner. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h10, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin. Tout à l'heure, nous évoquerons avec Patrick les moustiques. Voilà. Oh là là, les moustiques. Il y en a encore. Oh oui, il y en a pas mal. Oui. Comment s'en débarrasser? Alors, sans sortir, bien évidemment, forcément, l'artillerie lourde, mais en se disant, est-ce qu'il y a des moyens, on va dire, naturels, bio, pour les éloigner ou peut-être empêcher qu'ils se développent dans nos jardins. Exactement. Ça, c'est important aussi. Après, il y a plein de conseils, bien sûr, qu'on pourra vous donner. Ce sera tout à l'heure entre 7 et 8, un spécial anti-moustique sur RMC, le 3216 ou jardin@rmc.fr. Si vous avez envie de poser vos questions ou bien tout simplement de témoigner, si vous avez des recettes de grand-mère concernant les moustiques pour les éloigner, n'hésitez pas, on vous attend. D'ici là, c'est Eddy que nous accueillons. Patrick, bonjour Eddy. Oui, bonjour. Bonjour notre pâtissier préféré. Bonjour aux auditeurs. Bonjour Eddy. Comment ça se passe ce matin, ça va ? Ah, ça va, c'est plus calme. Là, l'école a repris, donc ça se calme un petit peu, ça fait du bien. Les croissants sont frais. Vous en êtes où là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Mais là, on termine les tartes, tartes aux fraises, tartes framboises, encore quelques-unes. Les tartes grand-mère, il fait un petit peu plus frais, alors on rajoute un petit peu de beurre. Mais oui, il faut qu'on prenne des forces. Voilà, il faut reprendre des forces, oui. Voilà. Très bien. Merci en tout cas, Eddy, de nous être fidèles. Et on vous écoute. Donc moi, je vous appelais pour savoir à quel moment je devrais tailler mes arbres que j'ai replantés donc l'hiver dernier. J'ai des poiriers, pêchers, pommiers, mirabelles. Et je voulais savoir si je pouvais commencer à faire quelques tailles, parce que bon, cette année, ils ont eu des fruits, mais ils sont tous tombés, donc... On fait rien du tout pour l'instant. Alors, éventuellement sur les mirabeliers, c'est-à-dire sur tous les arbres fruitiers à noyaux, sauf le pêcher, on peut, si on doit... faire une taille, le faire plutôt maintenant, donc sur cerisier, prunier, abricotier notamment, sont pas des arbres qu'on taille normalement, sauf pour créer une forme, c'est-à-dire que par exemple si vous avez un mirabelier qui est jeune et qui est parti tout en longueur, qui s'est pas bien ramifié, vous pouvez réduire les branche principale à peu près de un quart de leur longueur, de manière à maintenir donc une sorte de compacité de la forme. Vous pouvez aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas trop ou même pas de branches qui partent vers l'intérieur de la ramure, de manière à obtenir une forme de gobelet évasé dans lequel le soleil va pouvoir pénétrer. Ça, c'est la base pour les arbres plein vent. Mmh. Sur les arbres fruitiers à noyaux, donc on les taille en fin d'été, lorsque la sève commence à être descendante. Parce que sinon, il y a des problèmes avec des écoulements de gomme. Pour les autres, alors les pêchers, eux, ils se taillent au moment de la floraison, enfin avant la floraison, lorsque le bouton commence à rosir. Oui. Lorsqu'on commence à voir cela, ça c'est le moment de la taille du pêcher. Alors si les pêchers sont en forme libre, la taille elle est assez simple. On va éliminer tous les rameaux qui ont fructifié, parce qu'ils sont desséchés de toute façon, et on va garder en moyenne sur les branches qui ont des fleurs, on va garder 2-3 bouquets de fleurs. D'accord. Maximum. Sur les arbres fruitiers à pépins, la taille se fait pendant l'hiver, généralement au cours des mois de décembre et janvier. Mmh. Et là, on pourrait en faire une émission complète, parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc ça, je vous conseille quand même pour ce type de taille. Alors, s'ils sont en plein vent, vous faites rien du tout. Hein. C'est-à-dire que quand on appelle plein vent, c'est les tiges, les demi-tiges, les formes naturelles. Là, on les taille pas, hormis, comme je disais tout à l'heure pour le mirabelier, éliminer les branches qui sont mal placées et réduire un petit peu la silhouette pour pouvoir l'équilibrer. Sinon, on taille évidemment tout ce qui est palmette, tout ce qui est quenouilles, fuseaux, enfin toutes formes qui sont les formes qu'on appelle conduites. Donc ça, c'est des tailles dans lesquelles il faut repérer les yeux à bois, les dards, les boutons à fruits, etc. Mmh. Donc ça, c'est tout un truc. Alors pareil, vous pouvez aussi aller sur notre site, enfin mon site internet qui s'appelle News Jardin TV, vous demandez taille fruitière. On a fait un film là-dessus qui est assez bien expliqué, je pense. C'est même pas moi qui l'explique. Donc vous verrez, c'est pas mal. Merci beaucoup, Eddy. Tout va bien? Ça vous va? Bah, tout va, impeccable. Très, bon, très bien. Parfait. J'avais retenu qu'il fallait tailler vers les yeux sortants pour pas que les branches rentrent à l'intérieur. Mais en dehors de ça, on a l'impression d'avoir compris. Mais quand on se met devant l'arbre, on se dit, bon, en fait, j'ai pas tout compris, je crois. Oui, alors, il est sûr que le mieux pour tout ce qui concerne la taille des arbres fruitiers, c'est d'essayer de se faire conduire la première fois par quelqu'un qui sait faire. Parce que le meilleur des manuels ne vous donnera quand même pas, je dirais, la technique. Parce qu'en fait, la taille, c'est toujours une projection sur l'avenir. C'est-à-dire que avant de couper, il faut se dire, si je coupe là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il faut quand même connaître un tout petit peu la physiologie de la plante, et il faut savoir effectivement comment risquent d'évoluer les yeux, donc les bourgeons que vous allez conserver sur la plante. Donc, regardez des vidéos, mais... Bon, je pense qu'on essaiera de faire une émission spéciale taille fruitière dans le courant de l'hiver. Le seul problème, c'est qu'effectivement, en radio, c'est quand même compliqué. Et oui. Parce que ça a besoin c'est très visuel, d'être accompagné, hein, voilà, sûr, par de l'image. Et bon, on essaiera peut-être d'en faire une quand même, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir mille et une questions là-dessus. Mais globalement, c'est pas aussi simple que ça. Bon, je peux simplifier en trois mots. Tout ce qui est œil à bois, quand vous avez un rameau qui n'a fait que des pousses, hein, donc que des feuilles, vous taillez à trois yeux de manière à ce que l'œil du bas, lui, évolue dans une production qui est un tout petit peu différente, plus grosse, pointue, et qu'on appelle un dard. Le dard, il a l'inconvénient de ne pas être stable et il faut le conserver précieusement, mais sans tailler juste au-dessus, donc avec deux, trois yeux encore, pour pouvoir le faire transformer en bouton à fruits. Un bouton à fruits, ça c'est facile à reconnaître, c'est très gros, enfin c'est beaucoup plus gros que le reste, c'est rond, et là, lui, bien sûr, on va le privilégier, et mon conseil, c'est de ne pas en garder de trop sur un arbre, donc par endroit, normalement, ne garder qu'un seul bouton à fruits. Hein. On appelle coursonne, en fait, la petite partie de branche que l'on garde sur le rameau après la taille, donc sur chaque coursonne, ne garder qu'un bouton à fruits, de manière à ne pas épuiser inutilement l'arbre, et surtout pour obtenir des productions fruitières de qualité. Merci beaucoup, Eddy, et écoutez, bon courage dans votre pâtisserie. Patrick, on va revenir après la météo et les infos, bientôt 7h, et on attaquera notre spécial moustique. Voilà, vous avez des questions sur ce sujet, des témoignages, n'hésitez pas, on vous attend 32-16. On revient après la météo et les infos de 7h, à tout de suite, c'était RMC. RMC, 6h-8h. Votre jardin. Leclerc. Philippe, tu savais toi qu'avec Leclerc, on peut profiter de primes énergie quand on fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans la maison? Absolument. Des primes en carte cadeau Leclerc qui te permettent de faire tes courses dans tous les magasins Leclerc. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, ces primes peuvent, selon tes revenus, être multipliées par 4. Rendez-vous sur l'énergiemoinscher.com pour connaître les modalités d'obtention et d'utilisation des primes énergie. Inscrivez-vous avant de vous engager auprès de votre installateur. Des travaux pour faire des économies qui te donnent droit à des primes pour faire d'autres économies. J'adore l'idée. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Débat, rencontre, forum, Libération et l'Express créent l'événement. Samedi 17 septembre, Laurent Geoffrin et Christophe Barbier vous invitent au siège de leur rédaction pour une journée de débat sur l'avenir du modèle social français. Solidarité, compétitivité, dialogue social, toutes les facettes de l'État-providence seront abordées aux côtés d'experts. Entrée gratuite de 11h à 19h sur inscription libération.fr/événement. Cathy va tester à l'aveugle des biscottes. Les biscottes Heudebert à 2,86 euros le kilo, puis les biscottes Lidl à 1,94 euros le kilo. Cathy? J'aime. Et? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscottes Heudebert non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Biscottes Heudebert, 2,37 euros les 830 grammes. Biscottes Lidl, 1,55 euros les 800 grammes. Pour votre santé, bougez plus. Ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby. Voici Capture, le crossover. Avec sa position de conduite surélevée, il offre une parfaite vision du jeu. Capture est à partir de 169 euros par mois. Portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre sous condition de reprise pour Capture Life Energy TCE 90 LLD sur 49 mois, 40 000 km max. Premier loyer de 1200 euros si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Et c'est avec Kevin Flory qu'on fait un point complet sur la météo de ce week-end. C'est un peu perturbé. Hein, oui, Kevin. C'est ça. Exactement. Ce matin, le temps est bien mitigé, parfois pluvieux d'ailleurs, entre le nord, le bassin parisien et les régions de l'est. Il pleut également en vallée du Rhône, alors qu'ailleurs, les éclaircies dominent. Cet après-midi, l'évolution ne sera malheureusement pas favorable, avec toujours ces précipitations sur le centre-est. Peut-être même un orage sur les reliefs des Alpes. Attention à ce vent fort en Méditerranée, sans doute jusqu'à 110 km attendu sur le Cap Corse. Les températures en chute, comparé au début de semaine, relevé cet après-midi 14 degrés, grand maximum à Aurillac, 17 à Paris, 18 également dans le secteur de la Normandie, 21 degrés pour Strasbourg, 24 à Montpellier et Nîmes, jusqu'à 27 degrés tout de même pour la Corse. Demain dimanche, peu de changements finalement, toujours cette instabilité sur l'ensemble de la France, sur les régions, sauf de l'ouest, comme en Bretagne ou sur la partie orientale de la Méditerranée avec du plein soleil. Température moyenne annoncée de 21 degrés dans le nord, comme dans le sud. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la première ligue anglaise. 14h45, rugby top 14, Lyon-Toulouse. 15h, tennis, demi-finale de la Coupe Davis, le double Croatie-France. Et Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Singapour. 17h, intégral foot Ligue 1 Monaco-Rennes. Et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans un instant, le retour du week-end des experts. Jardin, il est 7h. Toute l'actualité, Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Les forces de l'ordre vont devoir s'expliquer sur ce qu'il s'est passé jeudi lors de la manifestation contre la loi travail. Un des participants a perdu un œil. Opération transparence dans les rayons des supermarchés. Quel produit est gras? Quel produit est sain? Nouvel étiquetage en test à partir de la semaine prochaine. Et puis le football et le PSG qui brillent enfin. Ouverture de la 5e journée de Ligue 1 hier soir. 6-0, la victoire parisienne sur la pelouse de Caen. Il est 7h sur RMC. Bonjour à tous. Allez, le football pour commencer, parce qu'hier soir, le Paris Saint-Germain a, semble-t-il, enfin lancé sa saison sur la pelouse de Caen. On a retrouvé le PSG intraitable des dernières saisons. Victoire 6-0 donc, et surtout, hier soir, Paris a retrouvé un attaquant de classe, Cavani, qui a marqué 4 buts, Georges Quirino. Il avait eu 5 occasions contre Arsenal mardi en Ligue des Champions, n'en avait concrétisé qu'une. Il en a eu à nouveau 5 hier. Cette fois, Edinson Cavani a fait trembler les filets à 4 reprises. Son coéquipier Blaise Matuidi n'a jamais douté de lui. Eddy est quelqu'un qui a besoin de confiance, on le sait. Il a toute notre confiance en tout cas et il l'a prouvé ce soir en mettant ses 4 buts. Cavani, c'est l'attaquant qu'il faut au PSG pour Thomas Meunier, le latéral parisien. Si moi j'étais président de club, c'est le genre d'attaquant que je paierais une fortune pour avoir dans mon équipe. Eddy, c'est un joueur qui travaille pour le groupe, c'est pas un égoïste. Et voilà, non, tout le monde dans le groupe est très heureux. pour lui. L'Uruguayen est sorti à la mi-temps hier soir en raison d'une fatigue musculaire après son quadruplé, son premier sous le maillot du PSG. Le dernier à en avoir inscrit un à Paris, Zlatan Ibrahimovic l'an passé, l'homme qu'il doit encore faire oublier. La suite de cette cinquième journée, c'est aujourd'hui avec, pour commencer, 17h, Monaco qui reçoit Rennes. Et puis la suite de l'actu sport, le tennis notamment, c'est à la fin de ce journal. Fin de manifestation jeudi à Paris, place de la République. C'est à ce moment, semble-t-il, qu'un des participants a été sérieusement touché par l'explosion d'une grenade lacrymogène. Sérieusement touché parce qu'il a perdu l'usage d'un œil. Laurent Théron, c'est son nom, il témoigne ce matin. J'avais des mains dans les poches, donc vraiment je me baladais, quoi. J'étais au milieu de la place, et puis quand j'ai vu que ça commençait vraiment à chauffer, je me suis dit, bon là, faut pas que je reste sur la place, faut absolument sortir. Alors, je sentais une détonation et une douleur à mon œil. J'ai perdu la vue au niveau de l'œil droit, c'était ma crainte, en fait, depuis le départ. Je vais tout faire, en tout cas, pour que justice soit faite, qu'on sache ce qui s'est vraiment passé, que je ne suis pas du tout activiste, je suis papa de deux enfants, je suis marié. C'est monsieur tout le monde qui peut perdre un œil aujourd'hui à une manifestation pacifiste en plein Paris. Voilà, et la police des polices a donc été saisie des forces de l'ordre qui, elles aussi, témoignent des violences qu'elles subissent. L'image est impressionnante. Un cocktail Molotov lancé par un manifestant et un policier dont les vêtements prennent feu. Ce policier, c'est Olivier, CRS, qui lui aussi veut s'expliquer. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Un cocktail comme ça que vous recevez dans les jambes, j'ai cru que j'étais en feu. On sent quand même que ça monte en puissance. Hein. Là, il y a vraiment en face des gens déterminés, armés. Quand on balance des cocktails Molotov sur des fonctionnaires de police, d'un point de vue personnel, je pense que c'est criminel. On est tous des pères de famille, hein. Donc ça aurait peut-être pu toucher une personne avec des gosses. Moi, j'ai des enfants à la maison. Voilà, témoignage recueilli par le confrère de BFM TV. Mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et écroué à seulement 15 ans, l'adolescent arrêté mercredi à Paris a passé sa première nuit derrière les barreaux. Il fait partie de ces 4 jeunes arrêtés ces 10 derniers jours, 4 jeunes qui envisageaient de commettre des attentats. La politique ce week-end, le Front National qui est à Fréjus dans le Var pour vraisemblablement lancer sa campagne présidentielle. Jusqu'à 5000 personnes attendues sur place. Marine Le Pen tiendra son discours demain dimanche. Louis Alliot, vice-président du parti, nous fait le programme ce matin. C'est à la fois programmatique, mais c'est aussi un grand meeting de Marine Le Pen dimanche pour évoquer les grands sujets qui vont marquer cette campagne présidentielle. Alors, les autres sont englués dans des affaires de primaire interne pour savoir qui va mener le combat dans 6 mois. Eh bien, écoutez, nous avons déjà notre candidate. Nous avons le projet qui est prêt. Reste maintenant ce que nous allons faire à le décliner auprès de nos concitoyens, car c'est auprès de nos concitoyens que la campagne se passe et non pas auprès des adhérents des partis, c'est cela que nous lançons à Fréjus. Et le meeting de Nicolas Sarkozy, c'était hier soir, toujours dans le sud-est, à Mandelieu-Napoules. Discours très à droite du candidat à la primaire Les Républicains, invitant ceux qui veulent porter ou faire porter le burkini à quitter le pays. La France ne peut pas accepter des coutumes contraires à son mode de vie, expliquait-il à la tribune. Simplifier la lecture des emballages, savoir si ce plat contient beaucoup de lipides ou si cette boisson contient suffisamment de vitamines, vous allez voir apparaître dans vos supermarchés de nouveaux étiquetages. Mesure de santé publique pour mieux manger. Le test sera mené dans 60 magasins et il est plutôt plébiscité par les consommateurs. Jean-Wilfried Forquès. Dans cette grande surface toulousaine, les consommateurs plébiscitent déjà cette initiative. C'est beaucoup plus simple déjà pour commencer parce que des fois on comprend pas trop ce qui a marqué. Un point rouge pour signaler qu'un produit comporte du sucre ou des graisses. Un point vert pour vanter ses qualités nutritionnelles. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont penser que le produit est en promotion parce qu'il y a un point rouge. Ou alors il va falloir vraiment communiquer dessus avant. Communiquer, expliquer, ce sont deux mots utilisés par cette nutritionniste toulousaine. Joëlle Fournier à la Louf est favorable à ce nouvel étiquetage. Je pense que ça peut aider le consommateur à s'orienter quand un produit sort. Il n'en a pas l'habitude, il ne va pas passer peut-être 10 minutes à le regarder, à le scruter. Il va faire confiance à l'étiquetage. Il faut que l'étiquetage soit bien réalisé, il faut qu'il soit clair. Le test va durer 3 mois. Ensuite, les pouvoirs publics trancheront et définiront le nouveau modèle français. Le reportage de Jean-Wilfried Forquès. 17 000 lieux à visiter gratuitement, 26 000 animations organisées aujourd'hui et demain, journée européenne du patrimoine, tout le week-end. Il y a les grands classiques, châteaux, églises, même l'Élysée. Et puis il y a les lieux historiques en rénovation, découvrir le travail minutieux de l'archéologue ou du tailleur de pierre à Brie contre Robert, par exemple, au château, où Morgane Laurent est médiatrice culturelle. C'est vraiment le moment d'être curieux et de se dire, eh ben, ce bâtiment-là, j'ai envie d'aller le voir, ce château, cet édifice, j'ai envie d'aller le voir, bah, c'est l'occasion d'y aller. Et je pense que ça peut être un bon tremplin pour après continuer de fréquenter des lieux patrimoniaux ou culturels. Faut pas se dire que le patrimoine, c'est pas pour nous. C'est l'affaire de tous, le patrimoine. C'est dans notre histoire, c'est dans notre culture. Et il faut vraiment, vraiment être curieux et vraiment y aller. Souvent, on le regrette de pas y être allé. Morgane Laurent, au micro de Constantin de Vergennes, 7h06 sur RMC. Il faudra être solide. Cet après-midi, place au double pour l'équipe de France de tennis qui affronte la Croatie en demi-finale de la Coupe Davis. Après les simples d'hier, il y a un partout entre les deux équipes. Mahut, Herbert, le double français numéro 1 mondial, Yannick Noah, le coach attend beaucoup d'eux. Ce qui compte, c'est leur cohésion, c'est leur jeu. Voilà, c'est leur jeu. C'est sûr que quand tu sors d'une saison comme celle-là, t'as gagné des matchs, tu engranges de la confiance, tu as moins de doutes. Le problème, ça va être tes adversaires. Le problème, c'est que c'est, en face, ça joue bien, quoi. C'est tout. On fait tout ce qu'on peut. On essaie d'anticiper tout ce qu'on peut, préparer du mieux possible. Et puis après, voilà, tu rentres sur le court et puis place à la folie. 15h cet après-midi sur RMC, les qualifications du Grand Prix de Singapour. La Formule 1 qui entame une nouvelle ère ce week-end. La compétition rachetée cette semaine par un Américain. Changement de direction que les pilotes attendaient avec impatience, Lou Hamar. À commencer par Nico Rosberg, qui ne fait pas dans la demi-mesure. Je m'attends à une révolution. Une révolution américaine également espérée par Romain Grosjean. Pour lui, la F1 doit redevenir un show et ça tombe bien. Le nouveau propriétaire, John Malone, sait y faire après 40 ans de carrière dans les médias. Les Américains savent faire des beaux spectacles. Peut-être qu'on va rajouter un petit peu de ça en Formule 1. Rajouter aussi peut-être de l'expérience digitale et essayer de faire que les gens soient un petit peu plus dans les voitures, derrière leur télé. Pour Rosberg aussi, c'est l'occasion de faire entrer la Formule 1 dans le 21e siècle. On est dans un nouveau monde maintenant, hein, avec toutes les médias comme YouTube et tout ça, et on peut faire un peu mieux pour être un peu plus facilement vu, hein, pour tous les jeunes comme moi, hein, qui est sur l'ordinateur, et pour être un peu plus révolutionnaire et repenser l'idée un peu. Une F1 plus accessible, plus proche de ses passionnés, un nouveau rêve américain. Voilà, le reportage de Louis Hamar, le Grand Prix, c'est demain 14h en intégralité sur RMC. 7h08, les courses pour terminer. Et les pronostics de la Dream Team aujourd'hui, François. Tiers écarté, quinté plus à Maison Lafitte, Thomas et Sébastien Arras tentent un coup de poker avec le 6 Royal Vati et le 15 Feel Alive. Brahim Asloum aime bien le 10 Mon Dieu pour cet après-midi. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As Magari et le 2 Jaref. Le 6, le 15, le 10, l'As et le 2. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Dans un instant sur RMC, le retour du week-end des experts jardin. Et pour cette deuxième partie, nous allons combattre les moustiques à la fois dans le jardin, mais aussi à la maison. Le 32-16, si vous voulez témoigner ou poser vos questions. Un spécial moustique avec Patrick et nos invités. Dans une minute, à tout de suite. Le mois Carrefour. Ils sont toujours aussi renversants les deals du jour pendant le mois Carrefour. Mais c'est clair. D'ailleurs, regarde, aujourd'hui, l'imprimante multifonction Canon est à seulement 34 euros au lieu de 59,99 euros. Alors attache bien ta ceinture parce que ça va partir très fort. Oh, pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui, dans vos hypermarchés Carrefour et sur carrefour.fr, l'imprimante multifonction Canon est à 34 euros au lieu de 59,99 euros. Référence MG 3550. Carrefour. Bon. Alors, tu veux quoi comme cadeau? Bah, je sais pas. Soit un ordinateur, ou une tablette, ou sinon un smartphone. Bah, j'hésite. Qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture? Bah, un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent de même. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Visia DGT 115 et l'LD 49 mois avec 2000 euros d'apport jusqu'au 30 septembre, si accordiaque. Entretien hors pièce d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Martin, il a quel âge ton papa? 55%. Oh la chance! Et le tien? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Producteurs, consommateurs, tous unis chez Intermarché. Intermarché soutient les producteurs d'endives françaises. Le sachet d'un kilo d'endives Origine France est à 1,19€. Oui, 1,19€ le kilo d'endives Origine France. Mais dépêchez-vous, ce n'est que jusqu'à demain chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h11, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Imaginez, vous êtes tranquillement installé dans votre lit. Vous commencez à sentir le sommeil vous gagner. Et d'un coup, d'un seul, vous entendez des trucs comme ça. Regardez. Voilà. Alors ça vous réveille, forcément. Et vous essayez de les attraper, vous n'y arrivez pas, Patrick. Moi, je suis assez doué pour ça. C'est vrai ? Ouais. Mais comment faites-vous ? Bah, je les regarde bien et paf ! Ah oui ! Non, mais quand on est dans la nuit. Ah, dans la nuit, non. Mais dans la nuit, moi, je suis enfoui. Donc, ils me trouvent pas. Patrick Mulan s'enfouit dans la nuit. Comme un ours dans sa tanière. Exactement. Donc, un spécial moustique maintenant sur RMC. Jusqu'à 8h, on va essayer de les combattre, de les éloigner, hein, plutôt que de les éradiquer. Je pense qu'il faut quand même faut en détruire une partie. Faut en détruire quand même. Ah, un petit peu. Je pense qu'on pourra pas. En fait, c'est une question de réguler la population, après, tout simplement. Il y a des pièges. On va voir toutes les méthodes de, parce qu'en fait, notre invité, que je vais vous présenter tout de suite, c'est vraiment un spécialiste de l'ensemble des méthodes de lutte. Ah oui. Donc, il propose dans ces différentes sociétés donc des moyens très très différents et parfois assez originaux. Il s'appelle Dominique Hopman. Il est fondateur de HBM Distribution et de BioBelt. Bonjour Dominique, bienvenue. Bonjour Dominique. Bonjour. Donc on va parler donc de ces petites bêtes qui sont votre spécialité, à savoir ce que l'on appelle alors les culicidés. Les culicidés, ce sont des diptères, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des cousins des mouches, ce sont des insectes à deux ailes, et qui sont nombreux, parce que sur l'ensemble de la planète, on en a plus de 3500 espèces, et réparties en plus d'une centaine, 110 genres, et donc ça fait vraiment beaucoup. Mais là-dessus, il n'y en a pas beaucoup qui sont ce que l'on appelle hématophages, c'est-à-dire dont les femelles consomment notre sang. Il y en a environ 3 à 6%. Toutefois, les moustiques constituent sans doute le plus important groupe de vecteurs de pathogènes, parce qu'en fait, ce sont à cause des moustiques qu'il y a le paludisme, c'est-à-dire la malaria, les filarioses, qui sont donc des maladies générées par un vecteur de maladies important. Dengue, la fièvre jaune, le chikungunya, le zika, des encéphalites. Enfin, donc vraiment, on a tout intérêt à lutter contre ces insectes, d'autant plus qui sont vecteurs de ces maladies, mais aussi qui nous embêtent dans la vie. Donc, je vais tout de suite poser la question à Dominique Hopman. Est-ce que, outre ce que je viens de dire, la diffusion, la répartition, la quantité de moustiques, alors on va parler surtout dans notre pays, pose vraiment des problèmes ? Alors, oui, d'abord, bravo pour cette introduction qui est très synthétique et pose vraiment le grand sujet du moustique. À l'échelon, on peut dire effectivement qu'à l'échelon de l'humanité, le moustique est sans doute l'une des sources les plus graves, les plus importantes de soucis pour l'homme. Pour l'homme, tout c'est-à-dire simplement, pour l'humanité. Finalement, le moustique est l'un des animaux qui tue le plus. Qui tue le plus, pas l'un, c'est vraiment celui qui tue le plus. D'accord, c'est incroyable. Attendez, le paludisme, c'est plus d'un million de morts par an dans le monde, quand même. Les chiffres, alors le paludisme est le premier grand phénomène qui, depuis toujours, tue énormément dans le monde, surtout en Afrique, et dont les ravages sociaux sont absolument énormes, parce qu'ils touchent énormément, entre autres, les enfants. Il y a eu même des études sur les freins au développement économique liés justement à ce phénomène du paludisme. On compte actuellement, les chiffres disent actuellement environ 600 000 morts par an liés au paludisme. Mais on ne peut attraper le paludisme qu'avec le moustique ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'autre moyen de contracter la maladie, en fait. C'est lui qui est porteur. Non. Le paludisme n'est pas un virus. Lui, justement, n'est pas un virus. Une bactérie. C'est une bactérie qui est transmise par le moustique. Et donc, c'est l'anophèle, en fait. Alors, il y a différents types d'anophèles qui sont à l'origine de cette transmission. Actuellement, à l'échelon mondial, on a une amélioration de la situation concernant le paludisme suite à des très très très grandes campagnes qui ont été lancées à l'échelon des organisations de l'ONU, en particulier autour de distributions gratuites de moustiquaires, tout simplement imprégnés de répulsifs. Mmh. Le deuxième mouvement aujourd'hui, qui lui par contre est crescendo et assez gravement, c'est la dengue. On a actuellement une progression très très très importante de la dengue à l'échelon mondial. Et c'est un virus, elle est véhiculée par une famille de moustiques qui est celle des anopheles. De l'Aedes. Des Aedes, comme le moustique et, tigre. Absolument. Les deux Aedes, l'Albopictus et l'Aegypti. Et donc là, c'est d'un point de vue, encore une fois, maladie, santé publique, c'est le deuxième grand mouvement actuellement, c'est la dengue. En Amérique centrale, énormément, dans toute l'Amérique centrale et du Sud, en Asie, des cas que l'on retrouve à gauche à droite, dont en Europe de temps en temps. Alors, dans notre pays, on se sentait un tout petit peu à l'abri, protégé, jusqu'à l'arrivée justement de Aedes albopictus, donc le fameux moustique tigre, et ça pose de réels problèmes aujourd'hui ? Alors, sans doute que d'un point de vue santé publique, les systèmes sanitaires que l'on a en France en particulier font que des véritables épidémies ne doivent pas être craintes directement, de la même façon que ça a été malheureusement, par exemple, en ce qui concerne le chikungunya. Alors, l'Aedes, les deux Aedes dont on a parlé, véhiculent d'autres virus qui sont donc le chikungunya et le Zika, dont on a beaucoup parlé récemment. Et la fièvre jaune aussi, en passant comme ça. Pas chez nous, mais... Ce n'est pas lui, c'est le culex. C'est le culex. C'est un autre, oui. Que l'on n'a pas beaucoup... le virus du Nil, il y a plusieurs. Il y a plein de fièvres qui sont véhiculées par les moustiques. Bon, tout ça n'est pas très rassurant. Dominique Patrick, ce que je vous propose, il est 7h18, on va revenir dans un instant. On va essayer de parler quand même du rôle du moustique dans la nature déjà, pour voir un peu. Oui, parce que pour l'instant, le pauvre, c'est plutôt à charge. Hein. on va en parler dans un instant. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions ou bien des témoignages, des petites solutions pour éloigner les moustiques, ou bien les éradiquer, hein. N'hésitez pas, le 3216 ou bien jardin@rmc.fr. Vous nous joignez par mail, n'oubliez pas de nous laisser le numéro de téléphone, votre numéro de téléphone, pour qu'on vous rappelle dans la foulée. A tout de suite. RMC, 6h-8h, votre jardin. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage. Renault Twingo est à partir de 99 € par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500 € si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Cathy va tester à l'aveugle des biscottes. Les biscottes Eudebert à 2,86 € le kilo, puis les biscottes Lidl à 1,94 € le kilo. Cathy ? J'aime. Et ? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscottes Eudebert non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Biscottes Eudebert 2,37 € les 830 grammes. Biscottes Lidl 1,55 € les 800 grammes. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonjour, c'est Apolline de Malherbe. Je vous donne rendez-vous demain sur BFM TV pour BFM Politique. Midi 14h et 18h-20h. À midi, je reçois Cécile Duflo, candidate à la primaire Europe Écologie Les Verts. Elle estime qu'il faut une candidature écolo en 2017 et elle débattra avec Jean-François Copé. Et à 19h, le grand débrief politique, mon invité Henri Guénon. BFM Politique, demain 12h-14h et 18h-20h sur BFM TV avec Le Parisien Aujourd'hui en France et RMC. Du 10 au 20 septembre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit et acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. RMC, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. 7h22, c'était RMC, le week-end des experts. Le jardin jusqu'à 8h. On évoque les moustiques ce matin avec Patrick Mulan et notre invité Dominique Optin. Et puis, je vous rappelle que, comme nous sommes en direct, vous pouvez réagir ce matin, poser vos questions. 32-16. Bon, Patrick, oui, alors, est-ce que le moustique a quand même un aspect positif? Parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'il tue des gens, il est vecteur de maladies. Enfin, voilà, ça dépend, pas très reluisant. Ça dépend où on se pose, parce que c'est vrai que, comme tout un animal ou comme tout être vivant, il y a un rôle écologique dans l'ensemble du cycle naturel. Alors, il faut savoir que les moustiques ont une partie de leur vie, les trois premiers stades, aquatiques. Donc, les larves, elles se développent dans l'eau et elles vont se servir de nourriture pour certains oiseaux, pour les poissons, pour les batraciens comme les grenouilles, les tritons, les lézards, les libellules qui elles aussi ont une partie de leur vie aquatique. De leur côté, les larves se nourrissent de micro-organismes et de déchets organiques qu'elles trouvent dans l'eau, et donc on peut considérer, alors faut mettre quand même des bémols à tout ça, hein, c'est pas un rôle majeur, mais qu'elles participent quand même à la bioépuration des eaux marécageuses. Après, le cadavre des moustiques et les déjections vont produire de l'azote et donc qui vont aussi générer un fertilisant organique naturel, si on veut, pour idéal, nécessaire à la croissance des plantes. Par ailleurs, les adultes, qu'ils soient de mâles ou des femelles, de toute façon, ils vont se nourrir à un moment donné du nectar de fleurs. Donc, ils participent à leur manière à la pollinisation des plantes. C'est pas aussi efficace que les lépidoptères et encore moins que les hyménoptères, mais ça en fait partie. Et puis, il faut savoir que les moustiques adultes sont quand même consommés en quantité colossale par les araignées, les chauves-souris, les hirondelles, les martinets, et même certains poissons comme les épinoches. Donc, ça participe à la chaîne alimentaire. Ils font partie de ce qu'on appelle le plancton aérien, et donc on peut pas dire que le moustique ne sert à rien. En revanche, je sais pas si on lui trouve pour les hommes des fonctions bénéfiques, Dominique. Pour les hommes, des fonctions bénéfiques. c'est dur. C'est compliqué à trouver. C'est compliqué quand même. Hein. Non. Moi, j'ai cherché pour le jardinier, à part effectivement ce que je disais tout à l'heure, un petit rôle pollinisateur, il n'y a pas quand même. Vaut mieux avoir plus d'abeilles que de moustiques quand même. Non, mais il y a un véritable débat, même entre scientifiques, sur les conséquences qu'aurait l'élimination définitive des moustiques. Et c'est vraiment un débat à 50-50, je dirais. Il y a ceux qui disent que ça servirait strict. Ce serait ennuyeux pour l'équilibre de l'écosystème, parce que par principe, effectivement, ils ont tous les rôles que vous avez dit, et d'autres qui disent qu'ils seraient totalement inutiles. Je pense que, effectivement, ils ont un rôle qui est mineur, mais effectivement, il y a un cas très précis que j'ai en mémoire. C'est en Camargue, des campagnes de désinsectisation, de démoustication au BTI, au Bacillus cerevisiae, qui est une bactérie, ont été lancées à partir des années 2005, je crois, les premières grosses campagnes par épandage. Et il y avait eu une étude d'impact qui a été faite 5 ans, 7 ans plus tard, 2010-12, qui a montré que la diminution des moustiques avait provoqué une diminution des hirondelles. Oui, voilà, donc, bien sûr. Donc il y avait un lien. Il y a forcément un lien. Oui. C'est pas le hasard, on va dire. Non, il y avait un lien très précis. D'accord. Alors, je voudrais qu'on explique comment le moustique agit par rapport justement à l'humain, pourquoi il nous pique, etc. Ouais. Et puis après, on va essayer de trouver le moyen de les repousser, puis après les moyens de les détruire. Voilà. Bon, après on peut.

après-midi en Croatie, demi-finale de Coupe Davis, un partout entre l'équipe de France et les Croates. Gasquet a porté le premier point. Par contre, Lucas Pouille a perdu hier soir. Le football et le PSG qui redevient le PSG. Victoire 6-0 hier soir à Caen. Début de la cinquième journée de Ligue 1 avec la suite aujourd'hui, notamment Monaco, co-leader qui reçoit Rennes. Et puis un mot de Formule 1. C'est à suivre tout le week-end sur RMC, le Grand Prix de Singapour. Les qualifications aujourd'hui, 15h, le départ du Grand Prix demain, 14h, 7h31 sur RMC. Votre jardin, François Sorel et Patrick Mulan, messieurs. Et on parle moustique ce matin, Thomas, et on vous retrouve tout à l'heure à 8h pour un point complet sur l'actualité. Le 32-16, si vous voulez nous joindre et poser vos questions ce matin, tout de suite. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Monsieur Miu Miu, attention. Oui, oui, oui. Une petite question flash. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Jamel de Loris. Est-ce que je peux, Patrick, cultiver de la citronnelle, voilà, réputée et répulsive, hein, contre les moustiques, dans mon jardin du Gâtinais? Ben, ça va pas le faire parce que, alors du moins, à long terme, parce qu'en fait, la citronnelle, c'est une graminée, c'est-à-dire une herbe, qui est originaire de Java et de Madagascar. Donc c'est une plante tropicale qui, en dessous les 10 degrés, commence à sentir un petit peu frisquet. Alors on les cultive de plus en plus comme des plantes annuelles, c'est-à-dire que vous trouvez dans des jardineries, à partir de fin avril, début mai, des pots de citronnelle que vous pouvez mettre sur votre balcon ou dans votre jardin, dans un endroit bien sûr bien ensoleillé, à l'abri des vents dominants. Alors c'est une plante relativement gourmande qui a besoin d'être dans un sol qui soit riche en humus, qui soit bien drainé et qui reste assez humide. Alors il faut beaucoup arroser la citronnelle. Alors moi j'en ai vu dans certains pays tropicaux, le long des rizières par exemple, ils les font carrément pousser presque les pieds dans l'eau. Donc n'hésitez surtout pas à détremper la citronnelle. Après c'est une herbe qui a l'air de rien en fait, hein, et qui va atteindre 90 cm. Non, c'est une herbe, quoi, tout simplement. En revanche, dès que vous cassez sa feuille, eh bien, vous avez cette expression d'odeur citronnée très particulière qui, effectivement, a un véritable rôle insectifuge. C'est-à-dire que ça ne tue pas ni les moustiques, ni les mouches, ni rien, mais c'est une odeur qui leur déplaît et donc qui a tendance à les repousser. Alors, la citronnelle en elle-même, vous pouvez en mettre des bosquets entiers, ça n'empêchera pas que vous ayez des moustiques dans votre jardin. Il faut que vous ayez infusé ou que vous ayez extrait, il faut la manipuler, ou vous ayez pris l'huile essentielle de cette citronnelle pour que ça fonctionne. Alors si vous voulez la garder d'une année sur l'autre, eh bien rentrez-la à la maison en la mettant le long d'une fenêtre dans un petit pot pour l'ensemble de l'hiver, ça devrait marcher. Voilà, et le 32-16 pour toutes vos questions jardin sur RMC, on vous attend. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7-32-16, 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h34, c'est RMC, le week-end des experts se poursuit, votre matinée chez nous. Sachez qu'à partir de 8h, on changera d'univers, ce sera la maison avec Christian PC qui me rejoindra, notre spécialiste bricolage maison déco, avec un spécial incendie tout à l'heure. Se protéger et protéger sa maison des incendies. C'est vrai que les incendies touchent les particuliers et il y a de plus en plus de morts. Hein. 100 morts et 10 000 blessés en 2015. C'est incroyable. Alors les causes sont diverses, hein. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure avec Patrick, avec Christian, plus pardon, sûr, oui, et nos invités. Puis, bien sûr, vous pourrez poser vos questions sur ce sujet. Mais d'ici là, on poursuit notre rendez-vous jardin. Et on s'intéresse aux moustiques ce matin, Patrick. Voilà, nous sommes avec Dominique Hopman, fondateur de HBM Distribution et de la société BioBelt, donc spécialiste de la lutte contre les moustiques. Alors, je voulais évoquer simplement une sorte de faux moustique qu'on appelle le cousin ou la tipule, qui est un véritable indésirable du jardin et que l'on voit beaucoup en ce moment. Donc, c'est une sorte de moustique surdimensionné qui est absolument inoffensif, il nous pique pas, hein, il fait environ 3 cm de long, mais ses larves, elles, vont ronger les racines des plantes, notamment du gazon, mais aussi au potager, les betteraves, les choux, etc. Donc attention, si vous avez un sol très riche en humus et que vous avez beaucoup d'humidité, vous avez des risques d'attaque. On n'a pas grand chose à faire pour les embêter, hormis le fait de griffer et d'éliminer les larves. Alors les larves, elles ressemblent à cette sorte de petite asticots un peu marron grisâtre, qui sont pas très ragoûtants, mais bon, bah, il faut les éliminer manuellement. Alors, je voulais qu'on évoque avec Dominique Hopman le comportement du moustique. Un, pourquoi il nous attaque? Quelles sont les conditions favorables pour qu'on soit piqué? Et aussi ce que l'on doit faire ou pas faire dans le jardin et dans notre environnement, déjà pour empêcher la prolifération des moustiques. Donc Dominique, ce sont d'abord que les femelles qui nous piquent. Les femelles, en fait, ont besoin de sang. Elles, ce n'est pas pour se nourrir elles-mêmes, mais c'est pour nourrir leurs œufs. Leurs œufs, voilà. Voilà. Donc, après accouplement, 24-48 heures après, leurs œufs ont besoin pour maturer, pour mûrir d'un sang chaud qui viendra d'un mammifère qui est humain ou un animal. Oui, mais ça pique pas que les hommes. Tous les animaux à sang chaud. Absolument. Pour trouver ce sang, tous les moustiques ont des marqueurs biologiques, des signaux qui vont leur permettre de remonter vers leur proie, qui sont, un, le CO2, deux, les acides qui sont dégagés chez l'humain par les pores essentiellement. Le CO2 est, lui, commun à toutes les espèces de moustiques et la littérature scientifique dit que jusqu'à environ 50-70 mètres, ces molécules de CO2 qui sont exhalées par la respiration des systèmes pulmonaires vont partir en grappe dans l'air et vont pouvoir être identifiées et remontées par la moustique. J'ai une question, Dominique. Est-ce que le fait que l'on constate aujourd'hui, en raison de la pollution et du réchauffement climatique, une augmentation de la pression partielle de CO2 dans l'air, est favorable... Oui, ça doit les perturber un peu. Alors voilà, est-ce que c'est favorable aux moustiques ou au contraire, est-ce que ça les perturbe? Probablement, ça les déroute. Oui. Probablement, ça les déroute. Je ne connais pas d'études particulières qui... C'est encore trop récent comme phénomène. Non. C'est une présence qui augmenterait leur prolifération, quoi qu'est-ce, je ne crois pas, non. Mais quand on voit on n'a jamais essayé, par exemple, de vaporiser du CO2 dans l'atmosphère, justement, pour que le moustique sache plus trop où il faut aller piquer. Non, mais en fait, le principe, si vous voulez, c'est que ce signal du CO2, ce marqueur, va être un premier signal pour la moustique femelle. Et elle va aller vers la densité la plus importante de ce CO2, c'est-à-dire son origine, d'accord, sa source. Et elle remontera, encore une fois, jusqu'à 50-70 mètres, ses couloirs de molécules. Et lorsqu'elle est arrivée à cette source, elle a besoin d'un autre signal. Elle ne voudra pas piquer parce qu'il y a simplement du CO2. D'accord. Elle a besoin d'un autre signal que l'on va résumer par rapport aux acides. En réalité, c'est plus que ça. C'est également la chaleur, parce qu'en fait, il faut que ce mammifère, que ce sang soit chaud, donc que ce mammifère soit vivant. Donc, si elle n'a pas ce second signal, ce CO2 pourrait être d'origine d'une combustion, par exemple, quoi. Mmh. Voilà. Et elle tournerait autour et elle repartirait, vu qu'elle ne trouve pas les autres éléments, oui. Alors, voilà. est-ce qu'il est vrai que les parfums, le savon, les déodorants, tout ça sont des produits qui ont tendance à les attirer? Oui, on va retrouver autour, quand je simplifiais en disant les acides, on va retrouver autour de ceci beaucoup de molécules qui vont effectivement se rapprocher justement d'acides qui sont produits par l'organisme et qui vont les attirer. Ce qu'il y a de très intéressant au niveau des acides, c'est que les recherches ont montré que selon les espèces, ils étaient attirés plus ou moins par certains acides. Donc, par exemple, les culex, nos moustiques, qui sont les familles de moustiques les plus communes en Europe, sont eux attirés particulièrement par les paraphénols, qui sont... chez l'humain, les acides que l'on développe surtout liés à la transpiration. Chez, par exemple, l'Aedes albopictus, notre moustique tigre qui est désormais en train de progresser en France très fortement. En 10 ans, il est passé de 1 à près de maintenant, pas loin de 40 départements qui sont colonisés. Ce moustique-là est très attiré par les acides lactiques. Et donc, là, ceci permet de faire le lien par rapport à, aux techniques que l'on va avoir éventuellement pour les capturer. C'est qu'on va utiliser, en quelque sorte, ces signaux pour le faire. Ça explique qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, piqués, parce qu'en fonction des acides qu'ils sécrètent, Exactement. Alors, moi, j'ai entendu dire aussi que, en fait, finalement, on était tous égaux concernant les piqûres de moustiques, mais que certaines personnes réagissaient différemment aux piqûres de moustiques. Certains, avaient des vrais boutons, on va dire, qui étaient visibles, et d'autres se faisaient piquer, mais il n'y avait presque pas de boutons, ce qui fait qu'on croyait qu'on était moins piqué, mais finalement, on l'était tout autant que les autres. C'est vrai ou pas ? Mais en fait, il faut savoir que une fois qu'elle a trouvé sa proie, elle va se poser sur la peau et rechercher un canal, un vaisseau sanguin. Et une fois qu'elle l'a trouvé, donc ceci avec sa trompe, une fois qu'elle l'a trouvé, elle va, avant d'aspirer le sang, injecter dans notre peau, elle va injecter un anticoagulant. Et c'est ça qui fait une réaction Sa trompe serait bouchée par le sang, tout simplement. La pauvre. Et c'est cet anticoagulant qu'elle injecte qui va créer une réaction allergique qui va être plus ou moins importante selon les personnes, selon leur propre chimie bien sûr. Réactive. D'accord. Tout simplement. Et c'est cet anticoagulant qui provoque les démangeaisons et qui véhicule potentiellement le virus la moustique elle-même a été infectée. Très bien. On a une question, là on revient dans le monde végétal, puisque c'est Sébastien qui nous dit, n'ayant pas de jardin, la question des moustiques ne se pose que dans mon appartement, et justement, j'aurais vivement aimé que vous nous fassiez un cours sur les fameuses plantes carnivores. Est-ce qu'elles sont efficaces? Peut-on les cultiver à l'intérieur? Et est-ce que, elles pourraient réduire la population des moustiques à l'intérieur de la maison? Les plantes carnivores, elles font partie des régulateurs biologiques naturels des populations de moustiques, puisque, en fait, sont des plantes qui vivent en bord de marécages, donc dans des zones où, logiquement, il y a des pondes de moustiques, puisque, comme je disais tout à l'heure, les moustiques, leur premier stade de vie, sont dans l'eau. Ouais. Donc, il est bien évident que les plantes carnivores, quand elles sont présentes, elles jouent un petit rôle de prédateur naturel des moustiques, mais c'est epsilon par rapport à la quantité, parce que je sais pas, Dominique, une femelle moustique, ça pond combien d'œufs? Une centaine d'œufs chez l'Aedes, ce sont les espèces chez l'Aedes, c'est une centaine d'œufs à chaque ponte. Et il y a plusieurs générations par an. La moustique donc femelle va vivre en moyenne 3 semaines. On l'a déjà fait vivre en laboratoire jusqu'à 6 mois, mais dans la nature elle vit en environ 3 semaines. Et elle a potentiellement 3 cycles de reproduction. Un par semaine, pendant sa courte vie. Il faut savoir que le mâle, lui, chez l'Aedes, ne vivre que 3, 4, 5 jours. On le voit pratiquement jamais. Mmh. En fait, on ne le connaît pas, pour ainsi dire, le mâle, parce qu'en fait, il reste dans sa tanière, son gîte, qui sont les buissons, qui sont tous les éléments denses de végétaux. Ouais, en général, il vient pas dans notre chambre, c'est ça? Il ne viendra que s'il poursuit une femelle. D'accord. Tout simplement. Ah oui, il perd pas le nord. Tout simplement. Mais sinon, il n'est absolument pas intéressé par nous, vu qu'il n'a pas du tout ces éléments qui le recherchent de sang. Pour revenir sur les plantes carnivores, je dirais que d'une manière générale, et tout à l'heure on a fait allusion également à la citronnelle par exemple, mais d'une manière générale, tous ces éléments, toutes ces approches de régulation naturelle que sont par exemple planter des végétaux, il y a même eu des approches commerciales autour de ça, sur des végétaux répulsifs, par exemple des plantes carnivores, par exemple des poissons pour la régulation des larves, toutes ces approches, ou des chauves-souris, il y a eu en Italie des campagnes pour réintroduire les chauves-souris, des communes qui offraient des maisonnettes pour les chauves-souris, et ainsi de suite. Toutes ces approches de régulation naturelle, bien qu'elle soit dans la théorie utile, en réalité, ne sont pas à l'échelle. Voilà, c'est ça. Du tout. Des problèmes, des enjeux. D'accord. Il faut trouver autre chose, quoi. En France, par exemple, les droseras que nous avons, elles vont piquer quoi? Un ou deux moustiques par jour. Ouais, voilà, c'est par ça. Plante. Ouais. C'est rien du tout. C'est rien du tout. On va rentrer dans le vif du sujet quand même, Patrick, parce que là, depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot comme un moustique qui va se poser sur la peau. On va parler des plantes. On va aller un peu plus dans les plantes pour voir ce qu'on peut Exactement. Faire avec les plantes, puis après on prendra les véritables solutions. Exactement. Les mesures qu'il faut prendre pour avoir moins de moustiques à la maison. Vous restez avec nous. Si vous voulez participer, 32-16, posez vos questions, ou si vous avez des petites astuces pour éradiquer les moustiques, on vous attend. Tout de suite. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. RMC, deux petits points séparent Nico Rosberg de Lewis Hamilton, leader du classement pilote. Ce week-end, les Formula roulent de nuit à Marina Bay pour le Grand Prix de Singapour. Cet après-midi à 15h, les qualifs. Et demain dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Une rentrée cool pour Darty? C'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty hors Darty.com. Bon, alors, t'as choisi ta montre? Bah, je sais pas, une montre mécanique, plus classique, ou une montre connectée, plus techno. Bah, j'hésite. Oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture? Bah, un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent d'eux-mêmes. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249€ par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Vizia DEGT 115 et l'LD 49 mois avec 2000€ d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Vous n'avez jamais eu envie de changer de perspective, de bouger les lignes, de faire des vagues? Avouez. Eh bien, chez Saint-Maclou, pendant l'opération Osez les motifs, vous allez pouvoir le faire. Découvrez un choix incroyable de motifs sur les vinyles, tapis, moquettes, tissus, papier peint. En plus, en ce moment, profitez de 15€ offerts tous les 100€ d'achat sur des milliers de produits. 15€ de remise immédiate tous les 100€ d'achat. Un motif de plus pour venir chez Saint-Maclou. Offre valable du 15 au 19 septembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 208 style. Avec écran tactile Bluetooth et aide au stationnement arrière. Une œuvre signée Peugeot, dont je vous laisse admirer le prix. Pendant les immanquables Peugeot, la 208 style est à partir de 149€ par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. RMC, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Pratiquement 8h-10, c'était RMC, le week-end des experts. Et le jardin, avec Patrick Mielan et Dominique Hopman qui est avec nous. On évoque les moustiques. Et messieurs, je vous invite à accueillir, comme il se doit, Jérôme qui est là. Bonjour Jérôme. Bonjour les experts, bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue Jérôme, on vous Merci, écoute. C'est gentil. Alors moi, on en a parlé un peu tout à l'heure. Les moustiques à longues pattes, donc que l'on appelle communément les cousins, est-ce qu'ils ont une fonction précise pour la faune et la flore? C'est-à-dire quel est leur rôle écologique réel? Oui, c'est ça. En fait, tout à l'heure, on parlait des moustiques ils sur les hirondelles. Ils sont pareils que les autres moustiques, que les moustiques style Aedes ou Culex. Ce sont des. Ils font partie du plancton aérien. Leurs larves qui sont dans le sol, elles peuvent être consommées par des insectivores comme les musaraignes. Voilà, ça joue ce rôle-là. Après, c'est pas quand même des insectes qui font des pressions énormes. Alors sur les cultures, ça peut arriver. Hein. Il y a des zones de culture, notamment dans les betteraves fourragères, betteraves sucrières, où on est obligé de traiter contre les tipules au niveau des larves, parce que là, il y a des ravages dans les cultures. Mais sinon, bah, bien sûr, ce sont des insectes qui participent, on va dire, à la chaîne alimentaire normale. D'accord, leur grosseur n'empêche rien par rapport à tout ce qui est oiseaux, tout ça. Oh bah attendez, une hirondelle, ça chasse en vol, hein, les hirondelles, les martinets, chauves-souris, mais vont adorer se croquer un cousin. Ça, D'accord. Non mais ça leur fait une portion un peu plus consistante qu'un tout petit moustique de rien du tout. Donc voilà. Non, il y a pas de problème particulier. Moi j'ai pas, enfin je connais pas la biologie parfaite. Je sais pas, Dominique, si vous êtes un expert aussi en matière de tipule. Demande un moustique. Ce n'est pas un insecte sur lequel nous sommes énormément penchés, bien que nos systèmes les éliminent également. Ah oui, voilà, bah ça c'est aussi intéressant d'ailleurs à savoir. On va en parler juste après. Bon, bah justement maintenant, parce qu'il nous reste 4 minutes, on va essayer quand même de donner quelques conseils à nos auditeurs. Patrick, est-ce que de manière naturelle, il y a des plantes qui peuvent repousser les moustiques? Bon, à part la citronnelle, qui, lorsqu'on la met sur soi, effectivement, peut avoir pendant quelques temps, mais c'est assez court. Hein, moi, je pense que... Donc, il faut s'en asperger régulièrement. Voilà, un effet répulsif. Après, je pense que Dominique a des systèmes beaucoup plus intéressants, notamment... Alors, Dominique, on vous écoute. On est tout ouïe. Alors. Alors. Mais, si vous voulez, d'une manière générale, et là, il faut, je dirais, mettre en perspective des approches préventives, des approches destructives ou des approches répulsives. D'accord. Et l'essentiel de l'approche du marché, entre guillemets, c'est-à-dire de la façon dont les gens réagissent, est tourné vers des approches répulsives. C'est-à-dire, on va les repousser, tout simplement, et on ne règle rien du problème. On va utiliser des molécules sur soi-même, par exemple, des sprays ou quoi qu'est-ce, et on va, pendant un temps donné, sur une surface donnée, les repousser ponctuellement. Quand on rentre, par contre, dans des approches de fond, où l'on veut traiter le problème de manière plus pérenne, entre guillemets, dans son environnement immédiat, on a là, à ce moment-là, des approches, par exemple, préventives et où les larvicides sont très importants, parce que l'on va, à ce moment-là, traiter à la source le problème, diminuer la présence de larves. Mais ça, c'est plutôt les collectivités qui travaillent à ce niveau-là, non ? Oui et non, nous proposons, et il y a sur le marché, des larvicides proposés directement au grand public. Alors, il faut savoir... Vous avez un piège qui a l'air sympa, le piège Aqualab, là. Vous voulez piéger sans aucun produit, d'ailleurs, même. Alors voilà, l'Aqualab, par exemple, est un piège, est un système complètement passif, parce qu'il ne diffuse aucune chimie particulière. C'est simplement en fait d'attirer la moustique parce qu'il y a de l'eau, et ensuite elle y pond, et ensuite les larves sont piégées et meurent dans le piège. Effectivement, c'est une solution. Au niveau des larvicides, je voulais simplement dire que la première des approches, et toute la pédagogie est faite par là, bien sûr, la première des approches dans un jardin est d'éviter toute eau stagnante, évidemment, quelle qu'elle soit. Mais lorsque l'on veut garder de l'eau et qu'elle est potentiellement stagnante, on peut, par exemple, en traitant régulièrement avec un larvicide qui est aujourd'hui au niveau de ce qui est proposé, on a des larvicides biodégradables qui n'ont aucune conséquence directe vis-à-vis des autres organismes aquatiques. D'accord. Qui sont extrêmement bien ciblés. Mais qui vont empêcher la prolifération en fait des larves, c'est ça, de moustiques ? Absolument. D'accord. On élimine les larves et à ce moment-là, on est préventivement... C'est des produits qu'on asperge, là ? Comment ça s'applique ? Non, nous, par exemple, nous avons une molécule qui est le métoprène, qui a une caractéristique biodégradable très très intéressante, qui respecte extrêmement bien les autres organismes aquatiques, à une réserve près, ce sont les crustacés. Ah,